Cet épisode de Rétro Nouveau est une présentation de ARZO et une production Young Media. Vous voulez avoir accès au pre-show? Devenez Patreon. Le montant donné est à votre discrétion. Pour tous les détails, allez au patreon.com/rétro-nouveau. Hey! Salut tout le monde et bienvenue à ce 123e épisode de Rétro Nouveau. Ça va bien les gars? Ben yeah. Ouais! All right! Je suis accompagné de... JF Kron. Ce soir, je vous parle de V-Sport avec le jeu Spark. Un jeu de sport en réalité virtuelle. Nice! Voilà. Péter des affaires aussi. Ah oui, on pète le mobilier ici. Ah ouais, là, ça y est. Là. Y a suivi des... de... Nick Lachapelle. Je vais vous parler de l'expansion pass de Xenoblade Chronicles 2 et Dragon Ball FighterZ. Oh. On dit FighterZ, on dit pas Fighters. Ah, je sais pas, moi j'aime bien. Moi je veux dire Dragon Ball Z, fait que, tu sais. Ah, ouais, c'est vrai. Dragon Ball FighterZ. Bon, t'as raison. Pas fait de recherche intensive, là, mais ça me semblait naturel, tu sais, fait que. Et? Papa Cassette qui va parler d'un excellent jeu à télévision et d'un bon petit jeu de Game Boy. Et c'est ça. Oui. Yeah. Avec une belle pochette en plus. Juste la belle pochette en ce qui concerne. Juste la belle pochette. T'as les deux extrêmes en tout cas. C'est, ouais. Ouais. Non, c'est vrai. Puis. Est-ce qu'ils sont écœurants? Pour ceux qui se demandent, en fait, notre ami Fred oui. avait un empêchement familial qui a forcé à s'absenter d'urgence. Exact. Donc. Mais il est avec nous en remote. Mm-hmm. Tu as laissé des commentaires sur le jeu que ouais, tu vas parler, ouais. Bruno. Exact. Toi, tu vas parler de... Moi, je vais parler ce soir de Mercenary Kings Reloaded Edition. Exact. Qui est revenu après une longue absence sur toutes les consoles. Puis aussi, ce soir, je vais faire un retour sur l'événement Far Cry 5 auquel j'ai eu la chance d'assister la semaine passée. Et puis aussi, on va faire une discussion sur les meilleurs jeux basés sur des films, parce qu'il y en a, c'est super intéressant. Oui. Puis en plus de ça, on va répondre à vos questions, yes. parce qu'on a reçu des questions du public, puis on s'est dit qu'on ramènerait ça, répondre aux ben, questions du public pendant le show, ouais. tout le temps. Le on s'est dit qu'au lieu de faire deux discussions, on pourrait faire une discussion, puis l'autre segment, questions du public. Ouais. Puis ouais. toujours le fun, répondre au tout monde. À fait. Puis on aime ça, là, interagir avec nos fans. Exact. Puis d'ailleurs, okay. moi, je vais prendre les commentaires en direct sur le chat Twitch en ce moment. Fred est dans le chat. Fait que si vous voyez quelqu'un qui s'appelle wow. El Gemuzio, là, ben c'est lui. Gemuzio, la légende. Profitez-en pour liker son channel. C'est genre shameless self-promotion de son Twitch. Il fait d'ailleurs que le show est passé salace encore. Ça, ah ouais. Ah, ça va venir. Ça, lui, ça paraît que t'étais pas au pre-show. d'ailleurs, ce soir, pour une seconde fois, le pre-show a été gratuit pour tout le monde à yeah. cause d'un problème de Patreon. Ouais, Patreon était down pendant les deux minutes que je l'allais en ligne. Fait que j'ai dit, hey, on va le mettre public d'abord. Ben oui. Fait que ben voilà, ouais. vous avez un petit bonus ce soir. Fait que c'est ça, tout le monde peut aller le voir. Fait que vous pouvez aller voir qu'est-ce qu'on fait dans le pre-show. Ce soir, on a essayé des jeux, on a essayé Bleed et Mercenary Kings Reloaded Edition sur la Switch ainsi que Golf Story aussi. On a répondu à des questions. Dom a dit des affaires épouvantables. Uh-huh. Parler de meubles à Thetford. Parler de meubles à Thetford. Oui, oui, aussi. On a démystifié le mobilier, les meubles en retin. <C'est... rire> La chaîne de meubles, c'est la couée. J'aimerais que ceux qui le savent de quoi je parle, dites-le dans le chat là, maintenant. Ben je veux le savoir. Oh. C'est intimement relié avec mon enfance et la genèse de ma vie de gamer. Moi, c'est le art de Terrebonne. Ouais. Ça, c'est... C'était la place. C'est ça. Sur ça, moi, je voulais lancer un petit shout-out. On fait pas ça souvent, mais je vais lancer un shout-out au podcast Les Sorbets du caractère mou. Qui est un podcast que j'ai découvert récemment. Ouais, exactement, que c'est ça. C'est un très bon show. C'est deux gars qui commencent le show puis ils savent pas exactement qu'est-ce qu'ils vont faire, tu sais. Puis ils ont comme 4-5 affaires à la table puis ils savent pas trop de quoi ils vont parler. Fait que c'est très abstrait comme show, mais c'est humoristique, là. C'est très drôle. Okay. Puis ce qui fait leur force, c'est qu'ils ont du montage dans leurs affaires. Ils ont des montages audio aussi. Fait que si le gars, il part sur une affaire, un trip de faire une pub, genre « Hey, venez au supermercado, nanana », ben là, tu vas avoir une track de son en arrière, pis tout ça. Fait que c'est vraiment bien fait, c'est bien monté, les gars sont drôles. Le dernier épisode qui est sorti, on fait un épisode complet sur le pain. Ah ouais. C'était cœur, hein. C'est vraiment un très bon show. C'est un sujet dangereux avec la mafia du pain. Faut pas toucher à ça, le pain. Mais il y a un des animateurs qui fait son propre pain maintenant, qui a découvert la façon de le faire, là, cheap, avec de l'eau et de la farine seulement, faire ta propre levure. C'est ça. Fait que tu sais jamais à quoi t'attends. Moi, j'adore ce show-là. Je trouve que ces deux gars-là, c'est des génies. Fait que salut les gars et encouragez-les. C'est vraiment le fun ce qu'ils font. C'est-tu sur RZO, ça? Ben oui. C'est sur RZO. Ils ont un superbe icône. L'illustration est magnifique. Fait qu'ils sont assez faciles à trouver. L'icône est brun. Cherchez un icône brun. Puis sinon, si vous allez sur internet, je pense que c'est caractermou.com. Ils ont même un wiki, gars. Ouais, ils ont un wiki incroyable. Interne. Mais allez sur RZO et tapez Sorbet, vous allez trouver tout de suite. Ouais, ben, exact. Voilà. C'est bien fait, ce site web-là. Quasiment. Mais ça n'a pas de bon sens. On dirait que ça a été fait par Jésus lui-même. Je vais faire un retour tout de suite sur l'événement de Far Cry 5 auquel je suis allé. Je suis allé à Ubisoft Montréal dans un petit événement où justement on pouvait aller. C'était comme une espèce de panel avec le directeur créatif du jeu qui s'appelle Dan A. Je veux pas me tromper de son nom, c'est ça, c'est Dan A. Qui est un bonhomme vraiment sympathique, un bon conteur en fait, même d'histoire. C'est un gars qui aime vraiment beaucoup. Beaucoup son travail, puis ça paraît. Mm-hmm. Puis c'est ça, on nous a montré un preview de Far Cry, puis tout ça. Puis ils ont dit que justement, eux autres sont allés dans le Montana, puis sont allés justement étudier cette espèce de coin de pays-là. Puis ça fait drôle parce que. C'est pas des rednecks, c'est pas le jeu de rednecks. Oui, c'est ça. Ouais. C'est qu'en fait, Far Cry 5, c'est qu'est-ce qui arriverait si. T'allais étudier les rednecks. C'est des rednecks. Qu'est-ce qu'ils faisaient, là? Mais c'est ça, c'est si, admettons, il y avait un culte. T'sais, si, admettons, quelqu'un est 100% persuadé que la fin du monde s'en vient, puis il veut purifier tout le monde, puis il va te forcer à le croire si jamais tu le crois pas. Fait que c'est l'idée secte. D'un culte aux États-Unis. Une secte. Ouais. C'est vrai, une secte, c'est vrai. Culte à la télévision. Anglais, là. Ouais. Exact. Mais c'est ça, c'est une secte. Puis c'est vraiment le setup est super intéressant. Puis ça fait drôle parce que les autres Far Cry, c'est vraiment. Ça s'est tout le temps passé sur une île paradisiaque. T'sais, c'est comme si t'allais en vacances à la meilleure place au monde. Puis t'es un peu un douchebag d'habitude dans Far Cry. Là, ils ont pris vraiment une autre direction. C'est vrai, t'as soit une chemise hawaïenne. T'es soit comme « Hey, dude, radical! Ouais, » Fait que là, ils ont pris une approche différente. C'est vraiment le fun. Puis moi, ce que j'avais peur en regardant les premières affaires de Far Cry, c'est qu'on perde un peu le côté humoristique de Far Cry parce qu'il y en a un. Il y a tout le temps eu de l'humour dans Far Cry, même s'il est tordu. Puis là-dedans, tu vois les personnages secondaires puis tout ça sont vraiment intéressants. Ils ont toutes leurs particularités vraiment cool. T'sais, des rednecks, le fun. Il y en a qui sont un peu plus badass, il y en a qui sont un peu plus brillants. Tu peux engager du monde, justement. Tu peux monter une équipe de rebelles pour pouvoir t'aider dans tes missions. Le panel était super intéressant. Ils ont expliqué comment ils sont allés là puis comment aussi eux autres, ils travaillent depuis ce jeu depuis longtemps puis qui ont été vraiment surpris de voir tout ce qui se passe présentement aux États-Unis parce qu'à ce moment-là, c'était pas comme ça, tu sais. Fait que là, il y a comme une espèce de parallèle qui se fait avec leur jeu qui est comme pas vraiment voulu en fait. Qui devient genre quasiment calqué sur la réalité alors que c'était de la fiction pure. Exactement. Complètement dystopienne. Non, donc, c'est ça. Ça, ouch, ça fait longtemps que je travaille sur le jeu, fait que c'est sûr qu'ils n'ont pas pu voir venir ça, là, mais bon, c'est ça. Puis en jouant au jeu, je me suis amusé avec le chien, entre autres. T'as un chien boomer que tu peux avoir avec toi qui peut courir après les ennemis, c'est vraiment le fun. Puis les contrôles étaient vraiment, vraiment tight, c'est ce que j'ai aimé. Puis il y avait beaucoup de choses qui étaient imprévisible. Moi, ça, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup dans les jeux comme ça à monde ouvert. Puis Far Cry avait ça aussi. Le dernier Far Cry, j'aimais que justement, t'es en train de tirer sur des gars, puis à un moment donné, un tigre qui arrive puis qui mord tout le monde, tu sais. C'est tout le temps le fun quand ça arrive quand même. Même si ça peut être frustrant, c'est vraiment le fun. Fait que c'est ça, bref. Très bonne première impression du jeu. Le jeu est vraiment le fun. Tight, super bon contrôle. Évidemment, j'ai pas eu le temps de jouer énormément. Mais c'est ça, il y a les gens d'Ubisoft préparent vraiment de quoi de solide, d'après moi, puis il va falloir s'attendre à un jeu qui va être assez gros, assez vaste, puis qui va ressembler bizarrement à la réalité des États-Unis. Bon. Good, ça a l'air intéressant, honnêtement. T'sais, moi, j'ai hâte de voir, parce que certains d'entre vous se rappellent peut-être que ce jeu-là a créé comme une controverse en 2016-2017, quand il a été un petit peu plus annoncé au E3. Là, les Américains ont été furieux. Avec, pas les Américains, mais certains Américains, tu sais. Oui. Je dirais de la peinture qui était peinte dans ce jeu. Oui. On va aller de la poésie ce soir. Hey, c'est beau, mais, ça. Fait que j'ai hâte de voir quand ça va sortir, les réactions. Oui. Ouais. Mais je pense que les attentes sont élevées. Il prépare le terrain quand même assez bien, là, tu sais, puis c'est... Je pense qu'il faut montrer aussi le côté comique du jeu qui va faire, qui va les aider, tu sais, les espèces de personnages. Faut que ça soit weirdos, coloré. Exact. Mm-hmm. Ça aide tout le temps, tu sais. Puis si vous avez la chance d'aller voir des entrevues avec Dan Hay, le directeur créatif, ce gars-là est captivant à écouter, sérieusement. C'est vraiment un bon speaker pour ce jeu-là, mais même pour d'autres jeux sur lesquels il a travaillé avec Ubisoft. Fait que c'est ça. Très, très, très, très bonne soirée. Sur ça, je donne le micro à Dom. T'as des annonces, mon gars. Ouais, j'ai trois petites annonces. En fait, il y en a une que je viens de réfléchir, je viens juste de flasher là-dessus. Je suis allé au podcast Imperturbable, les pères, là. Ouais. Et puis, c'est un podcast sur la paternité. Deux gars qui parlent de. Ils ont plein de sujets. Ouais. Ouais, c'est super le fun, ce podcast-là. Je sais pas, c'est rare qu'il y a des podcasts sur la paternité. Ouais, c'est ça, en fait, c'est rare que le monde en parle en général. Ouais. Non, mais tu sais, je sais pas, j'avais tendance à penser que c'est plus les filles qui parlent de sentiments, tout ça. Puis les gars, ils racontent, tu sais, leur vie, comme trouver les prénoms, comment ça peut être tough. Ils ont des invités, mettons un invité qui ont perdu leur bébé à la naissance, ils racontent son histoire, tu sais. Il y a des épisodes très, très deep là-dedans. Donc, mais c'est pas une majorité, par exemple. T'sais, ce que j'ai écouté, c'est quand même assez léger, pareil. Là, c'est léger, effectivement, mais il y a du deep. Ouais. Et puis, c'est pas genre des conneries. T'sais, c'est pas genre, hostie, on est fatigué, c'est Non, non, c'est les gars, ils ont 3 puis 4 enfants, me semble. Ils ont plein d'enfants. Ah ouais, ils prennent leurs responsabilités. C'est du monde stable, responsable, qui travaille, mais qui raconte la vraie vie. Fait que c'est des bons parents, tu sais. Ouais, vraiment. Donc, c'était super le fun. Ça va être disponible dans 2 semaines à peu près. Je vais l'annoncer. Donc, Imperturbable, allez voir ça. C'est-tu sur RZO, ça? Eh oui. Oui, hein? Oui. OK. Ça l'est. Icône bleue. Icône bleue. Cherchez l'icône bleue. Il y a une paire de bobettes dessus avec Imperturbable. Ouais, c'est comme une balançoire avec une couche d'un bord puis un boc à bière. Tapez paire dans la recherche, vous allez le trouver. Exact. Ouais. Prochaine annonce, je vais faire un autre événement de gaming sur cinéma, sur écran géant au cinéma du quartier latin. C'est pour cool. la nuit blanche qui a lieu samedi le 3 mars. C'est organisé par Montréal en Lumière. Et puis, c'est dans le cadre de Montréal Joue. En tout cas, man, il y a tellement de plateaux. Ah ouais, c'est fou, c'est compliqué. Ça finit plus. Mais à 10h30 au cinéma du quartier latin, les portes ouvrent. À 11h, on ouvre la porte de la salle et puis il va y avoir 2 heures de gaming. On va avoir un NES, un Super NES, un 64 puis un GameCube. Fuck Sega pour ça parce qu'on y va grand public. Ouais. Si on met Genesis là, personne va jouer de toute façon. Je commence à le savoir. Puis on va mettre des flashcards là. Puis c'est Eric Hébert, DJ Eric qui va animer. Puis je ne sais pas encore comment on va le faire pour que s'il y a 100 personnes, que toutes les 100 personnes puissent jouer. On a-tu un timer? On va-tu faire comme caler le monde qui vont arriver? Je sais pas. Ça coûte combien cette affaire-là? C'est gratuit. Ben, c'est génial, ça. Tu rentres. C'est familial aussi, comme s'il est tard. Ben, c'est sûr, là, c'est... Mais jamais vos enfants sont... Réveillez-les. C'est comme le réveillon quand vous étiez jeune. Non, mais les mineurs peuvent venir. Mettons, les ados, là, il n'y a pas de problème avec ça. Ah, c'est cool. Donc, ça va être super le fun. Allez voir l'événement sur Facebook. C'est Retro Gaming sur écran géant. Organisé par Arcane Montréal, bien sûr. Comme tu disais sur la page, la balle dans le contrat est grosse comme ta tête. Exact. ça va être malade. C'est débile. J'ai vraiment hâte. Puis en plus, quand on est allé au meeting, ils nous ont fait. On est allé dans le behind the scene d'où est-ce qu'on y shoot les films, là, la grosse caméra. Puis man, il y avait du matos partout. Là, c'était cool. Tu vois en bas, tu vois la salle. T'sais. J'avais envie de mettre ma main, faire des ondes devant le faisceau. Là, juste un bouton. Puis... Mais c'était super là, parce qu'il fallait aller voir comment est-ce qu'on allait faire ça. Il y a vraiment un fil qui va partir de là, sortir par une petite porte qui va descendre tout le long puis qui va aller dans le corridor jusqu'en bas là, tu sais, fait qu'en tout cas ça va être très drôle. Wow. Puis c'est cool. Ça ouvre à 10h30 puis ça commence à 11h, donc pendant la demi-heure vous pouvez caller, tu sais, la bouffe va être ouverte. Ouais. Et puis il y a une section arcade aussi sur cet étage là on va même rouler la machine Galaga proche de peut-être même dans la salle, tu sais, pour avoir un petit rappel. Puis il y a des arcades là, fait que ça va être très chouette, malade. Fait que 22h30 gratuit, puis c'est quelle date? Samedi le 3 mars, okay. Dans le cadre de la Nuit Blanche. Je ne sais pas encore si Arcade Montréal va être ouvert jusqu'à 6 heures du matin, si cette année il y a une extension des permis. J'espère que oui, parce que c'est très rentable. L'année passée, il y avait beaucoup de monde toute la nuit jusqu'à 6 heures du matin. C'était fou raide. Ouais. Donc, ça va être toute une belle grosse soirée. Et puis, dernier appel, le 24 février, c'est la grosse vente de jeux chez Arcade Montréal. On ouvre à midi, puis ça finit à 5 heures. On va être une méchante gang là à vendre des cassettes. Il va en avoir partout. Allez voir l'événement sur la page d'Arcade Montréal. Et le soir même, c'est la fête à Michael Baroque Larouche, a.k.a. Michel, a.k.a. Dark Shock. Donc, on va rapper ça à 5 heures. On va aller manger. Puis après ça, on va revenir là, faire le party. Pour la fête à Pichel. Yes. L'homme aux mille surnoms. Exact. Yes, hein. Alors voilà. Nice. Cool. Dernier truc, on a commencé à séparer le contenu du show maintenant qu'on diffuse à chaque jour après la diffusion du podcast sur YouTube et Facebook. Ouais. Fait que le lendemain du show, je diffuse le show complet. Puis après ça, chaque jour, 11h30, je diffuse une chronique, une discussion, une critique. Fait que le contenu, si vous l'avez manqué, vous voulez le voir séparément, vous voulez écouter juste des critiques séparées, ben là, on est disponible dans tous les formats, partout, n'importe comment, n'importe quand. Là, regardez ça, 11h30, je mets ça en ligne. Puis, ouais. Ah, c'est génial. Ça, c'était comme une demande spéciale de nos fans, tu sais, que quand ils mangent leur repas, ils séparent les petits pois, puis le poulet, puis les carottes. Quand ils mangeaient des céréales Pac-Man, ils commençaient par les boules, puis ils finissaient donc, par les boules. Donc, c'est ça. Fait que, c'est la seule façon. Assez d'emails pour justifier ça. Fait que, exact. Maintenant, il y a des playlists sur Facebook, sur YouTube, critique, discussion, allez voir ça. Tout est séparé, tout est segmenté. C'est génial. C'est magique, tout est là. Oui, puis si vous cherchez justement sur YouTube n'importe où la critique d'un jeu en français, ben on va popper n'importe où. Ah ben ça c'est une question de référencement aussi de faire ça c'est génial. Tu tapes critique quelque chose, on sort pas parce que l'épisode s'appelle Rétro Nouveau 123 mettons. Ouais. Là c'est ouais. Critique tel jeu, tu cherches critique tel jeu, on va sortir. Donc ça va nous aider à monter un petit peu donc voilà, c'est du fan service. Excellent. C'est fan fucking tastic. Yes. All right. Fait que sur ça on va commencer l'épisode. Ouais. Parce que faut que ça commence à un moment donné. On y va. Mm-hmm. Alright, fait que je vais commencer avec la critique de Mercenary Kings Reloaded Edition qui est développée par Tribute Games, publiée également par Tribute Games, disponible sur Switch, PS4, Vita, One et PC. La PlayStation Vita qui a de l'amour. Incroyable. Ben, il avait déjà commencé, après ces années. Ça a été long, fait qu'ils ont dit on va le finir. Là, je pense que c'est ça qui s'est passé. C'était ce jeu-là quand même, c'est ça, ça fait 4 ans qu'il est sorti. Quand il était sorti initialement, il l'avait sorti avec le PlayStation Plus, entre autres, sur PS4, ce qui faisait que tu l'avais gratuitement si tu étais membre. Donc, c'est ça, c'était vraiment le fun parce que c'était une bonne façon, justement, pour eux autres de lancer le jeu. Sauf que c'est ça, il y a quand même une certaine quantité de gens, je pense, qui l'ont peut-être jamais essayé ou qui, justement, vu que c'est un jeu qui est un petit peu plus grindy, attendait peut-être pour une version portable. Moi, c'était le cas. Je le voulais sur Vita parce que je me disais, il y a beaucoup de management là-dedans, il y a beaucoup de répétitions, donc c'est quelque chose qui te prend quand même pas mal de temps. Pour ceux-là qui connaissent pas Mercenary Kings, Mercenary Kings, c'est comme un espèce de mélange entre Contra, Monster Hunter, puis Metal Slug. Ouais, ben l'inspiration graphique de Metal Slug, tu la vois là, tellement. Ouais, là, exactement. C'est vraiment comme... là. Puis tu vois, même quand tu tires les personnages, l'espèce d'animation mort, là, le over gun the reste, top. Ah, c'est hyper animé. Là, c'est vraiment hot. C'est très, très, très, très beau. C'est peut-être ça qui va vous attirer dans le jeu, mais croyez-moi, c'est beaucoup plus que ça. Là-dedans, dans le fond, tu commences avec un gun vraiment simple. Puis tu vas aller voir ton général. Il va te donner une mission. Tu vas y aller, disons... secourir un otage, aller chercher telle ressource, admettons, va te chercher 10 morceaux de bois, va détruire tel ennemi, va capturer tel ennemi. Donc c'est ça, tu vas partir, puis tu vas partir tout seul ou tu vas partir avec un ami en coop ou trois amis en coop parce que tu peux jouer à 4 en coop local, puis tu peux jouer aussi à 4 en ligne. Ce qui est le fun, c'est que de jouer... hors ligne puis en ligne, ça se fait là easy breezy, mon gars, parce que tu vas à une des tentes, parce que dans ton hub world, t'as comme plein de tentes, puis t'as la personne qui s'occupe de ton équipement, t'en as un autre qui s'occupe de tes guns, t'en as un autre qui s'occupe de ton look, puis il y en a un autre qui s'occupe du online puis du offline. Pis tu fais juste y demander, garde, OK, moi, je veux que ma partie, elle soit juste avec mes amis, offline ou public, online. Fait que quand tu mets public online, dans le fond, le monde peut rentrer, sortir quand ils veulent de ton jeu quand t'es dans ton espèce de hub. Ce qui fait que c'est seamless là, online. Puis ce qui est le fun, c'est que les gens qui vont se joindre à toi, c'est vraiment du pur co-op. T'sais. C'est pas un contre l'autre. Ouais. Fait que tu peux, admettons que tu as de la misère à une mission, puis que tu n'arrives pas à la finir, ben tu peux te mettre online, puis tu vas peut-être avoir trois d'autres qui vont venir, qui eux autres qui ont des guns qui n'ont pas d'allure parce que ça fait longtemps qu'ils jouent. Péter ton boss en deux secondes. Exact. T'sais, ils vont t'aider à le faire. Fait que je trouve que c'est vraiment une belle approche pour justement avancer dans un jeu vidéo. Est-ce que la difficulté des ennemis scale avec le nombre de personnages? Pas vraiment. Non, okay. J'ai pas remarqué de différence là. Okay. Puis la façon que c'est fait, Mercenary Kings, là, c'est ça qui va peut-être déplaire à certains. C'est qu'il y a beaucoup de répétitions, en fait. C'est que tu vas refaire le tableau souvent, mais avec des objectifs différents. Mm-hmm. Puis ce qui va être placé sur la map va être différent, puis à des places différentes. Okay. T'as une map que tu peux avoir accès en pesant sur pause. Puis cette map-là va t'aider à voir ton objectif ou à voir où sont, où sont les trucs qu'il faut que tu ailles chercher. Puis le fait que tu dois refaire souvent un niveau, puis il n'y a pas tant de niveaux que ça, c'est, des fois, c'est ça qui peut te faire reculer un peu. Tu fais comment, Colin? C'est répétitif. Il y a combien de niveaux à peu près? Ça dit qu'il y a 16 niveaux total. Dans le fond, 16 maps total. Okay, okay. Mais tu n'as pas 16. Tu as au-dessus de 100 missions à faire. Ouais. Fait que tu sais, il y a quand même c'est de la variété. C'est 100 missions au travers des 16 maps. Là. Exactement. Mais tout est à la même place. T'sais, comme le ruisseau, il est là. Puis c'est ça, exact. Les maps, ils ne changent pas. Là. C'est ça. Mais tu finis. Ce qui arrive, en fait. Non, c'est ça. C'est que je pense que ça va déranger certaines personnes. Moi, j'aime ça parce que justement, tu reconnais les endroits, tu reconnais les patterns, tu masters le tableau, puis le level design est bon. Puis tu vas te faire des nouvelles armes à toutes les fois. Tu vas voir tes affaires. OK, je vais améliorer telle arme, puis tu sais, est-ce que je vais l'améliorer pour avoir une arme qui est plus lourde, plus massive, qui tire juste deux balles aux 3 secondes, puis qui est hot, ou un petit gun bien rapide, tu sais, qui tire super vite, puis tout ça. Fait que tu vas tout le temps jouer avec les guns, puis comment tu vas monter les guns. L'outil pour personnaliser tes guns est incroyable. T'as tellement de possibilités qui finissent plus. Mm-hmm. Puis tu peux sauver des sets, puis y revenir, admettons, pour différents types de missions, puis tout ça. Fait que le côté... Peux-tu downgrader tes guns pour refaire d'autres guns? Oui, okay. Oui, tu peux. Tu peux parce que des fois aussi, tu n'as pas le choix. C'est pas final, ton gun. J'ai mis toutes ces substances-là dans ce gun-là. Ouais. Puis là, je le démonte tout. Je reprends toutes ces substances-là pour le mettre sur un autre gun. Ben, c'est qu'en ça? Fait, moi, ce que je fais quand je veux faire ça puis que j'aimais mon gun, je sauve mon gun. Ouais. Fait que je le sauve dans un slot. Puis après ça, je le change. Okay, fait que là, je peux y revenir au pire. Puis mais tu peux pas essayer le défaire, celui les... que tu as CV. Là. Il est fait là, pour toujours. Il est fait, mais tu peux le défaire après si ça te tente. C'est plus comme des loadouts, en fait. Exact. Avec différentes pièces, tes assembles, ça devient ton loadout, si tu veux. Ouais. Puis là, tu as ton gun, il est fonctionnel. Ouais, ouais, mais tu as juste à le démonter, tu fais un autre... Fait mais qu'il il part, va se garder, c'est comme une recette, sauvegarder dans la tête. Ouais, que, c'est une recette. Tu as fait cette recette-là déjà. Exact. Ouais, ouais. Puis c'est ça, puis tu sais, il y a des boss aussi là-dedans. Les boss sont vraiment hot, sont super beaux, évidemment, tu sais, avec les animations et tout ça, c'est vraiment écœurant. Puis là-dedans, tu as aussi une roulade qui va te permettre d'esquiver des attaques. Tu peux aussi appeler avec une espèce de truc de transmission. Tu peux appeler avec un CB pour avoir justement des ressources qui tombent du ciel. Puis tu as aussi, c'est ça, tu as du gun, tu as du C4, tu as un couteau. Ton couteau, tu peux l'améliorer. Tu peux l'upgrader. J'ai vu qu'il y a l'espèce de grosse épée de Final Fantasy VII. Ouais. Tu peux avoir une astuce d'affaires. Ouais. Moi, présentement, j'ai une pioche, puis ça va tellement bien ouais, parce que ça. Quand je frappe en avant, ça frappe en bas aussi. Fait que c'est vraiment le fun. Tu peux vraiment t'amuser à juste tout le temps upgrader tes affaires, puis changer, essayer des choses. Fait que je trouve que c'est un jeu qui est parfait, en fait, pour la Switch puis la Vita. Ouais. Parce que faut que tu farmes puis que tu grindes. Puis c'est le jeu parfait aussi pour juste des petites sessions. Là, ça se fait bien quand même parce qu'un niveau aussi, il est timé ton niveau. Ouais. Fait que faut que tu le fasses dans le temps requis. Pis... Mais quand tu meurs, je viens de commencer à jouer moi pour la. Ouais. Michel m'a envoyé un code. Là. Je viens de commencer, ça fait genre 10 minutes là, que j'ai mis là-dedans. Puis quand je meurs, je respawn. Mais tu n'as pas des tu vies. Tu respawn. Non. Tu commences tout le temps jusqu'à ce que tu n'aies plus de temps. Là, exactement. C'est le temps, dans le fond, ton ennemi. Puis c'est parce que quand tu meurs aussi, c'est que tu vas retourner à l'infirmerie la plus proche. T'sais. De ce niveau-là. Exact. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, tu veux pas mourir, en fait. T'sais, moi, j'aime pas ça mourir. Puis quand tu meurs à un boss, il te remet plus loin. Fait qu'il faut que tu reviennes dans la carte. Puis avant que je termine, il y a une chose bien importante que je dise, c'est que là-dedans, il y a un système de reload, de recharge de gun actif que j'adore. C'est vraiment de la drogue, cette affaire-là. Ça a été... ça, ils ont commencé ça dans Gears of War. C'est quand tu pèses sur le bouton pour recharger. C'est ça. Tu as une jauge. Au bon moment. Puis quand tu pèses, il faut que tu pèses au bon moment pour que ça recharge rapidement. Ah ouais? Si tu pèses dans le jaune, il va avoir un petit peu plus de temps à revenir. Puis si tu pèses dans le gris, ça va devenir rouge puis ton gun va staller pendant un bout. Tu vois, je le savais pas. Moi, j'ai juste pesé et je le laissais aller tout seul. Ah, c'est tellement le fun de reloader dans ce jeu-là. Addictif au bout. Avant que je donne ta note, Bruno, il y a Fred dans le chat qui dit que Mercenary King, c'est comme le bacon de la Switch. T'en prendrais sans arrêt et c'est bon à tout moment. C'est totalement vrai. Merci Fred. Bon résumé. Eh oui. Attends, il y avait plein d'affaires aussi, Fred, à dire. Continue, Bruno. Oui. Mais c'est ça. Ah, et voilà. Mais sérieusement, moi, je trouve que c'est enfin, il y a la très bonne version. Le jeu a été balancé aussi. Il y a des nouvelles missions de mecs que ça, je ne l'ai pas essayé encore. Il y a aussi deux nouveaux personnages qui sont vraiment le fun, une espèce de petit robot puis une fille vraiment badass. Tu as des nouveaux guns aussi, des nouvelles pièces de guns qui sont évidemment... il y en a tellement que je ne saurais même pas dire c'est lesquels. Mais... le jeu semble complet. C'est sûr que le côté répétitif, ça finit à un moment donné peut-être par avoir raison de toi. C'est peut-être là justement où j'y retirerai un peu de points parce que je pense qu'il gagnerait à avoir peut-être un petit peu plus de niveau ou d'avoir un petit peu plus de contenu. Mais malgré ça, il y a tellement d'ennemis différents puis tellement d'armes différentes que c'est vraiment un Christy de bon jeu. C'est fait pour la portabilité. Pour toutes ces raisons, je lui donne un 8.5 sur 10. Good. Achetez ça, c'est fait à Montréal. C'est vraiment de la bombe. Good. À Montréal. À Montréal. On sait bien, vous autres, à Montréal. Les gens qui aiment. Ouais. On paye votre mythe. OK. Ouais. Voilà. OK. Bon, ben oh non, je reset mes affaires. C'est bon. Okay. Fait que là, on s'en va en discussion, c'est ça, là? C'est Nick avant qui va Nick nous parler. Nick qui va faire un petit quickie. Un quickie, tu sais. Puis donc, une a dépassé. Moi, je vais être vraiment extrêmement rapidement. Xenoblade Chronicle 2 Expansion Pass. Donc, Nintendo Canada a eu la gracieuseté de nous offrir un code. Moi, j'avais beaucoup aimé le jeu que je n'ai pas terminé encore. J'ai peut-être... Pas dit à 150 heures. Ouais, ben, je ne sens... Le problème, c'est qu'il y avait comme un bug avec ce jeu-là. Plusieurs l'ont expérimenté en ligne. C'était pas assez long. Quand tu le mets... Ouais. Non, mais quand tu mets ton jeu sur, stand-by, il continue de cloquer le temps. Fait que là, j'ai une affaire comme, je sais pas, 2000 heures dedans, mais c'est pas vraiment vrai, tu sais. Fait que mais j'ai peut-être, je sais pas, centaine d'heures, là. Mais donc, j'ai eu l'expansion pass, puis... C'est comme un peu un leap of faith. J'aime. Il y a des côtés que j'aime, il y a des côtés que j'aime moins de ça. Tu sais, c'est vraiment une passe à très long terme. Ça me fait beaucoup penser à la passe. Elle se promène-tu dans un bain? Oui, clairement. Ouais, ça, c'est une blade. C'est une blade que tu peux pogner qui est d'un bain. Là. Fait que, je comprenais pas trop quand j'ai regardé le visuel. Non, c'est exactement ça. C'est juste. Certaines blades sont un peu loufoques. Là. Mais grosso modo, c'est comme une season pass qui va te donner des choses à chaque mois. Fait qu'en décembre, si tu l'avais acheté en décembre, elle te donnait. Des items pour améliorer. Tu sais, dans le fond, elle va donner des cristaux rares pour être capable d'aller chercher des blades. Elle va donner un paquet d'items à consommer. Tu sais. Mais ça, c'est vraiment juste pour te faire un peu patienter. Ensuite, en janvier, il te redonne encore des items pour patienter. Là, c'est comme, OK, c'est intéressant. Là, vraiment plus... tu as aussi des nouvelles quêtes qui sont disponibles en janvier. Puis c'est des quêtes un peu plus complexe que les side quests normales. Ils vont te faire promener beaucoup dans l'univers. C'est intéressant. Si vous êtes vraiment le genre completionniste qui veut tout faire, ça va vous donner quelque chose. Mais le meilleur s'en vient. T'sais. Ils nous ont pas donné de date exactement, mais au printemps 2018, il va y avoir les nouvelles blades rares. C'est ça qui est vraiment intéressant. Puis comme ils t'ont donné plein de cristaux pour les débarrer, ben c'est quelque chose qu'éventuellement tu devrais en avoir plusieurs. Ensuite, cet été... ils vont donner un nouveau un Challenge Mode Pack, donc un peu plus complexe comme mode de jeu. Et finalement, il va falloir attendre jusqu'à l'automne pour avoir une nouvelle, on pourrait dire, histoire avec une espèce d'arc de l'histoire complet. Puis on le qualifie de Titanic, tu sais. Fait qu'il paraît que c'est gigantesque, cette affaire-là. Okay. Mais tu sais, on ne le sait pas vraiment. Donc la passe, ça se vend 39$, tu sais. bon... c'est toujours difficile parce que tu achètes quelque chose qui n'a pas encore été livré. Ouais, c'est le modèle moderne, tu sais. Mais avec Zelda, ça a été payant de faire ça, techniquement. Je dirais, bon, pour l'instant, c'est quelque chose que ça va vous aider immédiatement si vous êtes dedans parce que ça vous donne des items que vous allez avoir gratuitement. Si vous êtes un gros fan, l'avantage de ça, c'est que ça va vous donner du contenu. Vous allez pouvoir revenir un petit peu tout le temps pour aller chercher quelque chose. Mais en même temps, on ne sait pas de quoi a l'air la dernière expansion. T'sais, même si on promet quelque chose d'intéressant, je crois quand même Monolith, c'est une compagnie sérieuse, hein, qu'on va avoir quelque chose d'intéressant. Mais tu ne sais pas trop. Donc, je dirais. On ne sait même pas si ça va être de quoi qu'il y a de rapport avec l'histoire. Oui, non, c'est ça. C'est, ce qu'on dit, c'est que c'est un pendant de l'histoire c'est comme un rajout là, total DLC. Là. C'est plus classique comme DLC. Fait que ça, c'est intéressant. J'ai hâte de voir. Moi, je dirais, c'est pas pour tout le monde, en fait. Je le conseille vraiment juste aux gros fans. Ouais. Les gens là, qui ont vous jouez, vous êtes dedans à fond, c'est quelque chose qui pourrait définitivement vous intéresser. Vous êtes un joueur casual, c'est peut-être moins pour vous. Il y a tellement de contenu dans ce jeu-là, de toute façon. Là. Fait que je vais pas donner de note en fait, mais moi j'ai trouvé intéressant. Puis ce que j'aime en fait que d'autres Season Pass font pas toujours, c'est qu'ils donnent des petites choses au fur et à mesure dans le temps. Fait que t'as tout le temps quelque chose. T'as pas juste acheté une promesse dans le futur, là, t'as au moins du matériel immédiat. Oui. Donc c'est ça. Je recommande aux grands fans, mais si vous êtes casual, peut-être un peu moins pour vous. Oui. Voilà. Génial. Dans toutes les blades qu'ils donnent, y a-tu Blades of Steel? Malade. Eh ouais, c'est un gros patin qui se promène. On a vu une peignoir. Tout se peut. Quand il apparaît, t'entends. That's a pass, that's a pass, that's a pass, that's a pass. Bring a pass, bring a pass. On va faire juste des sons de Blade of Steel jusqu'à la fin du show. Juste ça, facile. On s'en va en discussion. On a décidé de faire une discussion sur les meilleurs jeux basés sur des films. Mm-hmm. Parce que on parle souvent des pires jeux basés sur des films, mais on parle rarement des meilleurs en fait. Parce qu'il y en a. Moi, j'ai justement, en faisant mes petites recherches de Sherlock... J'en ai un en tête, puis c'est Jurassic Park sur Genesis. Genesis! Ah, oui. Oui. Pas Super Nintendo, Genesis. Est incroyable. J'haïs pas ça, moi, le Jurassic Park top-down aussi, ouais. Mais je sais pas, moi, celle de Genesis m'a comme accroché, mais je sais pas pourquoi à l'époque. C'est... Ah, il était écœurant, tu pouvais jouer avec un raptor, c'est ça qui était le fun. C'est peut-être pour ça que ça m'a accroché. Moi, ça, j'ai vraiment aimé ça. C'est quoi, je vais le dire pendant que t'as... Bon, t'as le dire. Ouais, dis-moi les. Tu me fais passer un jeu, là, True Lies, au Super NES. Ah, ouais. Il était correct, ce jeu-là. C'était un jeu top-down, justement, à la Jurassic Park, un peu. Puis, super le fun, puis c'est un jeu qui vaut pas une fortune, mais qui, genre, pour un jeu qui a de l'air de du caca, la valeur monte tranquillement. Ah ouais? Que ça, c'est le genre d'affaire, tu vois, dans des bacs que le monde pense c'était que c'est de la marche. C'était pas Ocean qui faisait ça? En tout cas, excuse. Ça se peut. Là, je t'ai stallé. Je cherche dans la tête. Mais c'est une compagnie qui a pas rien que des succès, disons. Ouais. C'est pas Capcom, là. Ouais. Mais True Lies au Super NES, ça vaut vraiment la peine. C'est vrai que c'était bon. Ouais. Mais tu sais, Capcom aussi, ils ont eu leur lot de tu sais, comme au début de la NES, tu sais, ils ont quand même fait... ils ont fait... Plein de jeux, mais c'était pas des jeux de films. C'était après ça, c'est sur la Super NES qu'ils ont fait Lion King, ils ont fait Aladdin. Ah oui, Lion King, c'est vrai. Parce que c'est des films, ça, quand même, là. Attends, ouais. Aladdin? Aladdin, c'est un film. C'est un excellent jeu. Ouais, c'est Capcom. Ouais, c'est je Capcom. Je pense que c'est les versions Super NES qui étaient Capcom, en fait. Il faut y aller dans les jeux, il est quelque part là-dedans, Aladdin, là, si tu veux. Mais... Ouais, c'est ça, parce que la version Genesis, c'était qui? C'était une compagnie européenne. OK. Mais moi, je les avais d'ailleurs. J'avais Lion King et Aladdin au Genesis. Oui. Qui était beaucoup supérieur au jeu, même s'il était très bon de Capcom. Ouais. Capcom avait fait la petite sirène, en fait. Oh, True Lies, c'est LJN, donc ça fait très peur. C'est LJN. Très peur, mais tu vois, ça, c'est un bon jeu d'LJN. Ouais. Et puis, Aladdin, dans le fond, Super NES, Aladdin, c'est Capcom. Oui. Effectivement. Puis, c'est quoi, là, tu disais? Lion King. Lion King. C'est bon, ça, cette crise de jeu. Lion King, c'est bon, c'est bon. Tough en tabarnouche. Mais Nick, t'as parlé de la petite sirène au NES, c'est un excellent jeu aussi. Là. Ouais, ben c'est sûr que si on veut rentrer dans les cartoons et les films. Ah, ça va là-dedans. Mais juste de mentionner. Il y en a des bons en tabac. Les versions de Genesis, c'était Virgin. C'est ça que je disais, compagnie Capcom. Et Virgin avait une petite touche là, au niveau de l'animation qui était super. Lion King, j'adore c'est Virgin. Ouais, c'est vrai. Et puis Jungle, The Jungle. Jungle Book, ouais. Et je pense qu'à la c'est Dame, CV, c'était vraiment bien. Oui, il me semble ça. Aussi. Parce que moi, sinon, au NES aussi, Dame, Grim, tu te souviens de ça? Batman. Ah oui. Batman est un bon jeu de film, sérieusement. Ah, je l'aime assez, c'est vraiment bon. Tu sais, c'est un jeu que j'ai tout le temps aimé, mais Chris, tu trouvais ça dur. Oui. Puis à cette heure que je suis capable de le finir, je l'aime d'amour. Ah oui. Chris, c'est bon. C'est un bon challenge. La musique est incroyable. Le graphisme, tout. C'est crissement bon, ce jeu-là. C'est vraiment bon. C'était dark, hein. Il y avait comme une ambiance au jeu, tu sais, parce qu'il était limité graphiquement, puis ça donne un beau rendu, tu sais. Ben, tous les jeux de Batman, du NES au Super NES, mais il faut pas que tu prennes Forever. Ouais. Sont tous bons. T'en oublies un. C'est vrai. Même sur le Game Boy, il y a des bons jeux de Batman également, mais ça, c'est pas des jeux de film. Aladdin, c'est Virgin au Genesis. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Moi, sinon, je me suis rendu compte que... Bon, je n'irai pas nécessairement en ordre chronologique, mais je me suis rendu compte que sur PS2, puis sur PS2, puis sur Xbox, il y en a quand même eu pas mal. Puis il y en a eu des bons. Entre autres, moi, il y a... Un de mes meilleurs jeux de films de tous les temps, c'est Scarface, The World is Yours. Ah ouais? Sur PS2. PS2, oui. Godfather aussi. Ça. Godfather également, ouais, il était dans ma liste. Les gangsters sont bons, ouais. Hey, c'était vraiment, sérieux, c'était vraiment bon. C'était comme une twist sur GTA, mais dans Godfather, ce que j'aimais, puis même dans Scarface, c'était ça, c'était de prendre contrôle de territoire, puis d'aller intimider un bonhomme, justement, là. Tu veux de la protection? Non, je veux pas de protection. C'est une volée, tu sais. Ouais. Je vais te protéger. Mais non, c'était vraiment hot. Mais Nick? Moi, j'avais en fait des jeux que j'ai un attachement émotionnel, puis j'ai rejoué comme adulte. J'ai eu un peu moins de plaisir, mais ouais. C'est quand même, faut que je le dise, Goonies au NES. Mais pas le 2, là. Le Goonies 1. Famicom. Ouais, celui qui n'avait jamais sorti officiellement. Moi, je l'avais sur une cassette 32 jeux dans un. Exact. Puis... Je l'aimais, ce jeu-là. Attends, je me demande si c'était pas sur Famicom Disc. Écoute, je ne sais pas quel était le médium. Je sais qu'il n'avait pas sorti en Amérique du Nord. Parce qu'il me semble qu'en Amérique du Nord, on a juste eu le deuxième de Konami. Mais c'était bon, ce jeu-là. Ouais, c'était bon. Autre chose au NES, tu sais, que j'ai un excellent souvenir, le Robocop de Data East. Ouais, c'était ce jeu-là, il est clunky puis il est brisé, mais il y a quelque chose dedans. Moi, c'est la musique, en fait. Ouais. Il y avait quelque chose. La musique est parfaite. Je voulais retourner, tu sais. Mais tu sais, tu sors ton gun à des moments précis. Tu sais, c'est pas toi, tu contrôles pas ça. Il y a plein d'affaires que tu contrôles pas, mais moi, c'est un jeu que j'aime finir là une fois par année, mettons, rien que pour la petite nostalgie de ça. Tout à fait. Moi, je me souviens de la déception que j'ai eue quand j'ai loué Predator au NES. Ah, c'était dur, ça! T'avais une espèce de petit aiming là, que tu devais voir dans les arbres, que tu voyais rien. C'est que ça me faisait chier, ce jeu-là. Je suis d'accord, ça, c'est une belle promesse. Parmi mes plus grosses déceptions de location de NES. T'sais. Ouais. T'sais, tu te dis, hey man, ça peut pas être mauvais, le film est tellement bon. Exact. La pochette, c'est comme le film. C'est tu loues ça, pis t'es comme... C'est toutes des déceptions. Oh mon Dieu, man. C'est horrible. C'est comme Friday the 13th, ouais. Le jeu horrible où ce que tu veux tuer Jason avec un slingshot, tu sais, comme franchement. Nightmare on Elm Street, il est bon, par exemple. Ouais, lui, il est bon. Jamais ça, c'est une belle réussite. Et puis, il vaut super cher, ce jeu-là. Il doit être rendu à 50-60, je pense. Quand même. Fait que ça, c'était très bon. Alien 3 au Super NES aussi. Oui. J'en parle. Ceux qui écoutent Retro Nouveau depuis 2011, ça. On en parle souvent. J'en parle au moins une couple de fois par année. Un jeu de LGN, ça aussi, mais correct. Bien correct. Ouais, puis même à l'arcade, Alien 3 The Gun, qui est comme possiblement un des meilleurs. Alien The Gun. Il me semble que c'est Alien 3 The Gun, mais je me trompe peut-être. Mais ça, c'est de la bombe. Il y a des suggestions dans le chat. Il y a Matt Bonin du VanQuest qui dit Blade au Game Boy Color. Ah, oui, exact. Ils ont fait un épisode, eux autres, là-dessus. Possible. Michael Larouche qui dit Gremlins 2 sur NES. Oui. Je l'ai fini la semaine passée. Chris, j'étais content. Bon, il y a quelqu'un qui dit GoldenEye pour Sonic 4, obligatoire. C'est obligatoire. Je savais qu'il était obligatoire. Je me disais que quelqu'un va l'avoir dans sa liste. Exact. Ce jeu-là est incontournable. Mais... C'est incontournable. Ouais. C'est incontournable, mais je rejoue pas en ce moment. Là. Ouais, tu seras pas capable de jouer. C'est pas aussi bon maintenant. Non, je garde mes souvenirs intacts. Mais je pense que ce jeu-là, il y avait quelque chose avec le split screen à 4. Ça, c'était quelque chose aussi. Il y avait le trolling en personne, les pins que tu pouvais faire. Mais il y avait les missions aussi. C'était la première fois que tu avais des missions que c'était vraiment très près de ce qui se passait dans le film. Moi, j'ai joué à ce jeu-là. Ça, c'était le fun. Quand j'avais 64, j'ai joué à ça. Pour vrai, de vrai. C'est pas mon genre du tout de jouer à ça. Tu sais, la satisfaction de mettre une proximity mine derrière une pop puis d'amener le gars vers toi puis de le voir sauter. Ça... Ah, la belle époque. C'était mémorable, avec les faces sur le monde. Ouais. Ça, c'était quelque chose. Puis sinon, là, à l'arcade, crime, Terminator 2, Judgment Day. Je l'avais dans ma liste. Ben, c'est pas le fun, les gars. Non. Toi, tu joues trop, là, tu sais. Ouais. Un jeu d'arcade, c'est pas fait pour jouer tous les jours, à part Street Fighter, Mortal Kombat, là, tu sais. Les jeux d'arcade, ils étaient faits sur une bonne run de 20$. Terminator 2, il est fait pour jouer juste au premier tableau. Ouais, c'est ça. Tout le monde a joué au premier tableau. Sacré ton cap, jouer à une autre partie. Parce qu'ils ont les mains qui faisaient mal de vibration. Non. Moi, jeu d'arcade incontournable, pour moi, c'est le Star Wars original d'Atari, mais d'arcade. Ouais, ça, là. Puis si vous avez eu la chance de l'essayer dans le méga simulateur, il y a la version du pauvre qui est la machine debout. Ouais, ah, mais c'est quand même très hot de réussir à avoir une version debout, là. Parce que mais le sit-down, là, c'est tellement impressionnant. C'est introuvable. T'sais. Il y en a une à Québec au McFly, d'ailleurs. Oh, wow. Je sais pas si elle marche, là. Il l'avait au Game On l'année passée, je pense. Ouais, il l'avait. Ça, c'était hot, là. En tout cas, quel beau jeu. Il y avait aussi le jeu de Tron d'arcade à l'époque qui est tellement étrange. C'était comme une série de mini-games. Ouais. Je parle pas de Tron 2.0, je parle l'original Tron. Ouais. C'était tellement bizarre ce jeu-là. C'est comme si t'étais dans le monde de Tron. Ouais, oui, mais c'est abstrait. Ouais. C'est super abstrait. Là. Mais moi, il y avait un truc, amour-haine avec ce jeu-là, où je comprenais pas tant que ça ce qui se passait tout le temps, mais je voulais réinvestir parce que je trouvais ça... Ah, c'est attirant. Il l'a dans notre même chez Arcade Montréal. Ouais, quand écoute, j'essaie, je vais prendre, prendre une grosse IPA, je vais me claquer une run. Ouais, on jouera ensemble. Mais le cabinet, il est majestueux. Vraiment beau. Moi, sinon, il y a aussi un de mes grands souvenirs, c'est Peter Jackson's King Kong. Sérieux? C'était vraiment bon. Puis c'était un first person, mais c'était pas un first person shooter tant que ça. Puis c'était pour vrai, c'était vraiment vraiment bon. Ça a été un des seuls jeux que j'ai joué puis que ma femme m'a regardé jouer au complet. Ah ouais. Alors, on n'avait pas d'enfants. C'est clair. Parce qu'elle ferait pas ça, tu sais que c'était regarder le jeu. Juste à regarder le jeu, mais c'était sérieusement, c'était vraiment hot. Puis sinon aussi encore dans l'ère du PS2, il y avait Ghostbusters de Video Game. Ah non, ça c'est dans la PS3 Ghostbusters. Ghostbusters de Video Game. Sega Master System aussi. Ouais, Sega Master System, c'est vrai qu'il... C'est deux jeux très différents, mais quand il y a question Ghostbusters, mettons à l'Atari 2600, on peut dire que c'est une version étoffée. Ouais. Au Master System, c'est la version finale de ce jeu-là. Exact. C'est la Master. La vraie version, c'est elle. Exact. Sega Master System. Puis le jeu que tu parles, c'est autre chose. Là. C'est genre un jeu next-gen, mais c'était très amusant. Le download de bon, tu parles, toi. Non. Il est en version physique. Non, je parle de version physique. Parce que, tu sais, il y en a eu après ça, genre Sanctum of Slime puis des affaires de main. Ça, c'est sur pas Xbox, bon. Okay, c'est vraiment de la merde. Non, ça, c'est Ghostbusters de Video Game. Puis ça a été. Le script a été écrit par les gars de Ghostbusters. Tu sais, puis ça a vraiment. Tu sais, c'est eux autres qui sont. C'est Bill Murray, Danny Aykroyd. C'est eux autres qui ont écrit ça. Nice. Ouais, puis t'as même, c'est ça, Danny Aykroyd, Harold Ramis, puis Colin, je me souviens juste de Winston Zeddemore, je me souviens même pas de son vrai nom. Ernie Hudson. Okay. Ernie Hudson est dedans, mais tu sais, ils sont tous dedans, puis toi, t'es la recrue, mais ce qui est le fun, c'est que tu vas avec les Ghostbusters pour tirer des fantômes. C'est vraiment bien fait, une super campagne écœurante. Pour finir sur Ghostbusters, avec Ghostbusters 2, mais Famicom. Pas le ONES, mais Famicom. Ah ouais. Ça, c'est disponible d'ailleurs sur la cassette rouge 25, je sais combien, 100 jeux en un, je sais pas quoi. Ouais. Excellent jeu top-down que tu te promènes un peu à la True Lies dans un immeuble et puis tu tires du monde. Là. Ah ouais. C'est un très bon jeu. Ah ouais, nice. Ouais. Moi, j'avais deux jeux, en fait, de PS3 puis Xbox 360. En fait, un qui m'avait vraiment surpris dans le temps, Toy Story 3. Oui! Qui était vraiment bon. C'est pas Carl Robert, genre, qui capote ce jeu-là. Ben, c'était varié, les mécaniques. Super t'sais. Bon. Puis ce jeu-là avait été une inspiration directe d'un des meilleurs jeux tirés d'un film de tous les temps. Je parle de Rango. Jeu que j'ai travaillé dessus, j'essaie de plugger à chaque fois que je peux. mais qui était quand même bon. Honnêtement, moi j'avais du plaisir à jouer. C'était comme un Ratchet & Clank un peu plus pour enfants, mettons, là. Mais il y avait des bonnes passes là-dedans. Achetez ça, ça vaut pas cher anyway. Ouais. Il y aura peut-être ça à vente de papa cassette. Là, demandez-le en grand nombre. J'aimerais là, ça l'avoir, il y a que pour passer. Mais honnêtement, là, c'est surprenant. C'est bon. Là. Tu sais, je suis pas « Oh my God, c'est 10 sur 10 », mais tu as du plaisir là-dedans. Combien tu y donnerais? Moi, je donnerais 8. Mais quand même, OK. Moi, pour ce type de jeu-là, mais il est juste pas long. Ouais, ouais. Tu peux clencher ça en 6 heures. Sur quelle console, ça? PS3, Xbox 360. Ok, trop récent pour mes applications. Ah, ben, ça s'en vient maintenant, collection. Ouais, là, ça, j'ai hâte. Hidden gem, guys. Hidden gem. Ouais. Moi, sinon, rapide, j'en ai des petits derniers. Il y a X-Men Origins Wolverine, qui était tellement meilleur que le film. Ah ouais. C'était comme God of War, mais avec Wolverine. Puis en plus de ça, tu détruisais sans arrêt. Toutes les fois, tu recevais des hits, ta peau se perforait, puis t'étais magané, puis tu te régénérais. Tu te battais contre des brutes, c'était malade. Il y a aussi The Warriors au PS2 et au Xbox. Ça, j'ai jamais joué, mais tout le monde dit que c'était malade. C'est incroyable. C'est-tu Rockstar qui avait fait ça? Oui, c'est Rockstar qui a fait ça. Puis c'est vraiment, vraiment bon. Puis c'est un bon brawler, en fait. Ouais. C'est comme un brawler en 3D, c'est vraiment dans les meilleurs. Puis ça suit de très, très, très, très, très, très près le film. Okay. Le film est excellent, fait que c'est vraiment cool. Puis sinon, plus récemment, moi, il y a Mad Max qui a été une énorme surprise. J'ai regardé un peu les listes, j'ai dit Mad Max, attends, c'est sûr que Bruno va le plugger. Il est vraiment le fun, Mad Max. Faut que les gens jouent à ça. Maintenant, ça coûte genre 20$ à le procurer. Là. C'est tellement bon. Je pense que je l'ai payé 10. Oui. Non, c'est PS4. Ouais, hein, je pense que je l'ai payé 10 ou 15 d'une vente. Ouais, là, c'est ça. Il est toujours en solde en vente. Moi, je voulais plugger Thor sur DS. Oui, c'est vrai, ça. Qui est une bonne version. La critique de J'avais ça. Fait la critique sur le show, effectivement. Ouais. Puis aussi, moi, il y a les premiers Star Wars sur Super NES. J'avais bien aimé. Ils ont été mentionnés beaucoup dans le chat, ceux-là. Ouais. Moi, j'étais bien aimé. Puis les Indiana Jones sur ordinateur. Ça aussi a été mentionné. Je les ai bien aimés aussi. C'était vraiment bon. Genre Fate of Atlantis. Ouais, exact. C'était cool, ça. Fait que. Y en a-tu d'autres dans le chat, JF? C'est pas mal. On a pas mal tout nommé, en fait. Wow. Ouais. C'est sûr qu'il y en a un beau paquet. Il y a aussi Lord of the Rings, The Two Towers, qui était excellent. Ah, c'était un genre de beat'em up. Ouais, c'était bon, ça. Je sais pas quoi. Ouais. Ouais. Hein? J'ai joué à ça, il y a genre pendant une heure quand c'est sorti. Ok. Je sais plus où. Je sais quelqu'un. Ouais. On était sous. J'étais comme mind blown. J'ai dit, c'est tombé le fun. Ouais, c'est vraiment le fun. Varge sur le monde. Non, non, ça, j'aimais ça. Ah, c'était écœur. Hein. Faut que je réessaye ce jeu-là. Ce genre de jeu à. Puis même, il piastres. Me semble que genre sur GBA, il est cool aussi. Ce jeu-là, il était bien fait. C'était comme une espèce de zone bizarre pour Lord of the Rings qui faisait des bons jeux. Puis là, il y a Middle Earth, mais. Ouais. Colin, ça, c'est celui-là du film animé. Ouais, je pensais, c'est ça. Je pense qu'il sais pas quoi faire. Là. Ouais. Fallait mentionner E.T., GF, on n'a pas fait. E.T., malheureusement, c'est tout le temps. Je suis tanné des gens qui disent. Tu sais, le monde, les gamers, là, c'est quoi le pire jeu? E.T. au 2600! Rien que parce que Internet, là, tu sais. Oh, ben, Chris, c'est pas le pire jeu du 2600, et loin de là, man. C'est quoi le pire jeu du 2600? Ben là, il y en a presque 1000, là, tu sais. Okay. Des jeux brisés faits par du monde dans des sous-sols, tu sais. Il n'y avait pas de licence. Les jeux Zellers. N'importe qui en faisait des jeux, là. Moi, je pense que E.T. a marqué. Ceux qui ont joué, là. Ouais, pour vrai, parce là, que dans le temps. D'abord, jouer. Moi, j'ai joué. Pas juste à E.T. comme à l'Atari dans ma vie. Jouer à l'Atari, là, plein de jeux. Exact. Jouer à E.T. au travers de temps. Moi, j'ai joué, puis c'était la déception. C'est ça, dans le fond, qu'on se rappelle. C'est ce goût amer de déception d'un jeu qui n'a rien à voir avec le film, vraiment. Peut-être si tu étais là quand ça a sorti puis tu l'as eu à Noël. Non, okay, d'accord. C'est ça. Tes parents ont payé 150$. Ouais, non, aujourd'hui, c'est autre chose. Non, non, mais là, c'est rendu le mythe. Ça n'a pas le droit de dire ça. Ça a été boosté par le fait que ça a été enterré. C'est comme il y a une légende entre ça. Mais c'est pas E.T. qui a causé le crash à Noël. E.T. était un autre jeu parmi tant d'autres. Dans une mer de jeux qui avait peine trop de consoles. Puis. C'est juste ça a donné qu'il est sorti dans un moment qui a fait mal. En fait, il a donné une bonne leçon, par contre. Ouais. Il a dit que c'est pas parce que t'as une propriété intellectuelle majeure que tu peux juste marcher, pitcher un jeu de boîte puis que ça va pogner. Pourtant, LGN, ils ont essayé tellement fort. Année après année, console après console. Ils ont pas appris. On va l'avoir, on va l'avoir. Ils ont juste acheté des gros noms. Il n'y a pas de personne programmée en arrière. Il a réussi à en l'ender 1 sur 20 là, à travers genre 20 ans de création de jeu. C'est une erreur. Tu sais. C'est le stagiaire qui a fait ça. C'est le stagiaire qui a fait Alien. Tu sais, okay. Hey, JF a une critique à faire. On s'en va dans l'univers du VR. Et cette semaine, je vous parle de sport. Quand la réalité virtuelle rencontre la réalité. Si vous êtes gentil, j'ai un bonus à vous montrer à la fin de ma critique. Donc, ce soir, je vous parle de V-Sport, donc de sport virtuel avec le jeu Spark, publié et développé par CCP Games. C'est disponible sur HTC Vive, Oculus Rift et PSVR, encore une fois. Donc, avant de vous montrer les images, il faut que je vous explique un peu le concept de jeu-là. C'est un, je vais le simplifier au bout, c'est un genre de ballon chasseur. Donc, t'es un contre un, chacun a une balle. Le but, c'est de faire des points en frappant l'adversaire avec ton ballon. Ton ballon peut réfléchir l'autre ballon, il va se décharger, il faut que tu lances ta balle au mur pour la rattraper pour qu'elle se recharge. Puis si t'as fait, réfléchir la balle d'un ennemi sur lui, tu vas faire des points aussi. Donc, je vais vous montrer du gameplay. C'est à peu près ça les règlements. En fait, il y a un complexe de plus, c'est que quelque chose de plus complexe, c'est que tu peux en arrière, tu as une strike zone qui appelle, qui est un rond. Si tu réussis à rentrer ta balle dans le rond de l'autre, ta balle va devenir plus rapide, plus forte, plus puissante. C'est des parties de 3 minutes. Puis là, comme on peut voir, c'est un jeu qui se joue uniquement en ligne, en fait. Ouais, c'est comme Tron et 10. Ben, c'est très inspiré de Tron. Fait que le look de 1 est super beau. C'est très, très polish. On voit que c'est très inspiré de Tron. La grosse particularité de ce jeu-là, c'est d'avoir une bonne coordination main, puis lancer, puis bloquer les ballons, puis tout ça. C'est ce qui va faire la différence, en fait. Ça, puis la strike zone qui va faire que ta balle va aller plus rapidement, plus forte. Quand tu joues pas, tu peux être jusqu'à 4 personnes dans une salle. Quand tu joues pas, t'es comme des géants à côté de la boîte, en fait. Là, on l'a vu dans le démo tantôt. Fait que les personnes à côté de toi peuvent essayer de te distraire pendant que tu joues. Donc, ça vient vraiment. Là, on voit, en fait, là, c'est moi qui joue contre Matt Bonin. Fait que dans le fond, quand t'attends, ben, tu vois que Matt attend de rentrer. Lui, il est comme en gros. Moi, je suis dans le truc en petit après ça. C'est ça. Là, on voit un gameplay en mode first person. Donc, c'est ce que moi, je voyais quand je jouais. Donc, c'est un corridor vraiment long. Pensez à un genre de racquetball, en fait. Là, tu peux lancer la balle sur le mur. C'est ça un peu le concept du jeu, en fait. C'est de distraire l'ennemi pour pas qu'il voit ou qu'il... T'sais. Parce qu'au début, tu commences. Les deux, vous avez chacun votre balle dans les mains. Puis là, tu dis, OK, qui va être le premier à lancer? Puis après ça, comment je fais pour pogner le gars? Parce que le gars peut réfléchir à ma balle. Fait que c'est un genre de sport qui est juste vraiment disponible en VR. Puis ça peut juste se faire en VR. Puis... ça dépense des calories assez solides. Ben c'est ça, là, je me dis, écoute, ça a l'air physiquement demandant. C'est très demandant. Tu penses-tu que les gamers, tu sais, qui sont habitués d'être couchés dans leur divan, tu sais, vont adopter ça? Parce que, mais de base, avec un... brise ta mentalité. J'ai pas des gamers, on n'est pas des gros gars dans le sous-sol. J'aime ça. J'aime ça entraîner ça. Les gamers modernes, c'est tellement pas ça. Mais oui, l'image, elle reste. C'est quand même physique. C'est possiblement le jeu le plus physique que j'ai joué en VR à date jusqu'à ma prochaine critique dans deux semaines. Ouais, ça a l'air. Là, ça prend une autre coche, je vous en parle pas tout de suite. Donc, dans le jeu, il n'y a pas vraiment de mode single player. En fait, c'est juste des challenges. Puis, il n'y a même pas d'AI. C'est juste un robot qui va t'envoyer des balles qu'il va falloir que tu fasses réfléchir ou lancer dans différentes zones. C'est pour pratiquer un peu ta précision, en fait. Parce que la physique est un peu spéciale dans ce jeu-là. La balle, elle flotte, puis elle n'a pas une physique normale, en fait. Là, ce qu'on voit, c'est qu'ils ont implémenté, en fait, les développeurs, un mode spectateur pour... Ils ont pensé aux streamers, en fait. Donc là, on voit que ben, ça change automatiquement le mode de jeu pour les gens qui vont regarder le jeu, en fait. Ça, c'est super bien pour les streams qui aient fait ça, en fait, de voir de cette façon-là. Là. En fait, c'est intéressant parce que tu t'aperçois que maintenant, tu n'as plus le choix de considérer cette option-là, spécialement pour le VR. Tu sais, le stream, exact. Ça fait partie des mœurs maintenant du maintenant, jeu vidéo. Maintenant, il y a beaucoup de monde qui stream, fait que ben des développeurs qui vont le prendre en considération. Ah ouais, très ça, c'est super le fun. Le multiplayer, en fait, il y a trois modes. Mode de base, mode avancé. La seule différence, c'est qu'en mode de base, tu peux réfléchir les balles avec tes points si t'as pas ton bouclier. Mode avancé, seulement le bouclier. Et il y a un mode expérimental où le tableau va être penché. Donc, les angles de tir vont être vraiment différents. C'est un peu spécial. C'est vraiment intéressant pour vrai. Il y a seulement une seule arène. C'est un peu décevant à ce niveau-là. Par contre, tu t'en fous un peu pendant que tu joues parce que t'as pas le temps de regarder autour de toi. Puis en fait, l'arène va changer de couleur dépendamment de qui fait des points, qui est en avance. Fait que ça, c'est quand même bien. Okay. Ton personnage, beaucoup de customisation. En fait, tu peux changer le look vraiment de façon intense du personnage. Ça peut aller très loin. Tu peux passer. J'ai probablement mis une heure dans mon personnage au début à voir tout ce que je pouvais y mettre dessus. Là. Ouais, dans le fond, le but, c'est vraiment de faire des moves puis de réfléchir à tes stratégies pour vraiment faire que l'autre va lancer sa balle puis va. De devenir vulnérable en fait, puis tu peux le frapper. Fait que c'est un jeu, c'est aussi simple que ça en fait. Là, on voit en fait à la fin de la partie qu'est-ce que ça donne. C'est drôle parce que même les. Tu peux tenter, puis même ça va paraître à l'écran, fait que ça a été vraiment bien pensé. Tu tentes avec ton vrai corps. C'est vraiment cool, puis on est rendu là pour vrai. J'ai vraiment vu aucun problème de latence, quoi que ce soit. Là, ça marche. Là, on voit en fait les géants qui peuvent regarder, là. Mais ça marche numéro un. On est rendu vraiment au point que. On est dans deux villes séparées, puis on peut jouer, là, puis je peux te dire que c'est vraiment, pour moi, c'est un sport pour vrai. ça fonctionne numéro un. Génial. C'est incroyable. On est loin du Power Pad, ouais. Pareil. Ouais. Sérieux, là. Bon. Chris, t'es deux. Ça n'a pas d'allure. C'est un jeu qui joue, joue uniquement en ligne. Donc, évidemment, attendez-vous à avoir des gestes disgracieux et des commentaires de la communauté. Ah ouais, c'est vrai. T'as-tu essayé avec des inconnus? Ben, j'ai essayé avec trois inconnus. Pis, en fait, moi, j'ai pas pogné de problème, mais j'ai vu du monde sur net faire comme moi. J'ai pogné du monde qui faisait des gestes obscènes avec leur manette. Pis, c'est clair que ça va arriver. Ça. Mais c'est le fun parce que c'est crossplay entre le Vive, le Oculus Rift puis le PlayStation VR. Donc, tu peux jouer avec n'importe qui à ce jeu-là. Wow. C'est un jeu qui vaut environ 30$ en ce moment. Donc, c'est un très bon investissement. Ce qui est un petit peu plate, par contre, c'est que la compagnie CCP Interactive a fermé sa branche VR, donc il n'y aura plus de développement de sport à ce jeu-là. Mais il est quand même bien accompli. C'est un excellent jeu, pour vrai. Fait que si vous cherchez une expérience online différente de ce qu'on retrouve normalement des shooters ou des salles d'évasion, ça, je pense que c'est une très bonne alternative. C'est vraiment fantastique. Et pour toutes ces raisons, je donne à Spark la note de 8.5 sur 10. Wow, nice! Bon, maintenant, il faut que je vous fasse une petite, un petit warning. Les jeux VR qui sont vraiment bons sont reconnus pour être très immersifs. Et par très immersif, je veux dire qu'on oublie des fois l'environnement dans lequel on se trouve. Donc, ce qui est arrivé, je vais vous le montrer en fait en vidéo. J'ai même laissé le son pour la vidéo pour la première fois, je pense. Je jouais contre Matt, en faisant les images-là. Et puis, j'expliquais un peu le strike zone. Puis, Matt m'a lancé une balle à terre qui a rebondi par-dessus ma tête. Et puis, moi, en voyant ça, qu'est-ce que j'ai essayé de faire? Ben, je me suis dit, ben, je vais aller chercher la balle qui m'a lancé à terre pour essayer de la pogner. Mais j'ai oublié que j'avais un plafond chez nous. Donc, ça a fait que j'ai tapé directement dans la lampe avec ma manette. On va le voir ici en plus gros, là. Et la lampe de est tombée à terre. On va même le voir au ralenti. C'est le jeu d'un super ralenti pour les vous. Les petits morceaux, man, partout qui revolent. Je vous avais promis un accident de VR. Ben, c'est finalement arrivé. Donc, bravo. Voilà, ça aurait été fait good pour show. C'est pour ça que maintenant, aujourd'hui, on a un nouvel éclairage. On, on dirait que j'ai une calvitie de plus en plus intense, là, mais ouais, on a changé le mobilier pour une lampe en plastique. Exact, moins dangereux. Suivez ma page Twitch, puis passe casque obligatoire, c'est le fun, on brise de matériel chez nous. C'est ça, c'est comme un show de Nirvana. Il y a une couple de personnes qui l'ont vu en direct, puis les commentaires directs, c'est comme « Wow, je peux pas croire que j'ai vu ça live, c'est incroyable. » Ouais. C'est pour ça, en fait, qu'on veut voir du VR. La question, c'est est-ce que tu as continué de jouer après? Ben, j'ai mis le logo pendant 5 minutes pour passer le balai, puis je suis revenu parce que les images étaient toutes après qu'on a vu. C'est comme si vous regardez les images comme il faut, dans le coin à terre, vous voyez qu'il y a un paquet de vide blanche tout pété. T'as juste tassé ça là. Juste tassé le temps de finir au moins tassé la game. Tassé le problème. Ben, mon prochain jeu, peut-être qu'il aussi va me blesser, mais juste de me blesser plus physiquement que du matériel. Wow. C'était mon petit warning pour ce soir. Hâte de voir ça. Good show. Génial! Les Patreons nous aident aussi avec ça, remplacer le mobilier qui se fait détruire pendant Rétro Nouveau. Dans le chat, on me dit que c'est pour ça en fait que le port du casque est obligatoire. Oh! Voilà. Oh, bon punch! Bon punch, je l'avais fait dans le show, mais c'est pas grave. C'est bon. Ça marche. Ça marche pareil. On va le prendre. On prend ça. Fait qu'on s'en va faire une pause, on vous revient pour la deuxième partie du show. Yes! Pour ne rien manquer de Rétro Nouveau et pour communiquer avec nous, suivez-nous sur notre page Facebook, Twitter et Instagram. Vous pouvez écouter Rétro Nouveau en direct sur Twitch, en différé sur YouTube, via votre ordinateur, votre mobile ou même votre console. Bien sûr, vous pouvez nous écouter également en balado via iTunes, Google Play, Stitcher et RZO. De retour! All right! Yes. Fait qu'on est de retour avec double critique. Double critique. J'ai pas joué j'ai fini SteamWorld Dig 2. Quand même. Après, comme il était trop tard pour que je donne mon stock pour que j'en parle aujourd'hui. Ouais. Mais entre-temps, j'ai joué à deux petits jeux pas mal le fun. Et puis, je vais commencer avec un jeu d'intellivision. Parle pas de gameplay tout de suite, JF, s'il te plaît. Je vais te mettre la fiche technique. Tu peux. Il s'agit de Thunder Castle. C'est beau ça. Ici, avec une pochette de feu. Un beau dessin en arrière. Ça ressemble à du Donjon et Dragon là, de la première édition. Là, c'est carrément. Ben, ouais. Donjon et Dragon sur l'intellivision, c'était comme une bonne série. Ouais, en fait, c'est vrai. Deux jeux, il me semble peut-être même trois, ou une variation. Mm-hmm. C'était big pour eux autres. Ils ont fait bien du cash avec ça. Moi, j'y ai joué sur la version DS, Intellivision Lives. C'est pas mal le fun de jouer là-dessus. Tu veux une petite télévision rapide, là? Moi, je recommande ça à tout le monde. C'est pas si facile à trouver. Moi, je l'ai jamais vu dans la nature, fait que je l'ai commandé sur eBay. Et puis, il y a l'excellente version PlayStation 2 et sûrement Xbox originale. Okay. Ouais. Si vous voulez jouer à la télévision, tu sais, on s'entend. Là. C'est pas Mario Odyssey, là, télévision. Là. Fait que, on s'entend. Mais si, on s'entend. C'est mais si tu veux découvrir cette console-là, qui a quand même des bons petits gems dessus, puis que t'es capable de t'adapter dans ta tête que c'est une autre époque, tu peux avoir du plaisir, tu sais. Fait que, avant de commencer avec Thunder Castle, je veux juste faire une petite genèse. Intellivision a existé pendant plusieurs années et puis ça, bon, bien sûr, à un moment donné, ça a commencé à descendre avec le crash de jeux vidéo qui est arrivé et puis toute la multitude de consoles. Et puis Intellivision, c'est pour Intelligent Television, tu sais. Puis là, il y avait un module pour le modèle 2, il y avait un module à clavier, puis tout ça. Puis on dirait que dans ce temps-là, tout le monde essaie de transformer leur console en ordinateur. Là. Puis le Coleco Adam, tu sais, qui a comme pris bien de la place. Fait que ça, ça a comme un peu tapé sur la tête de l'Intellivision. Donc, ça a commencé à descendre. Puis, le vice-président senior de Mattel Electronics, l'Intellivision est une console de Mattel, qui s'appelle Terence Valesky, il a quand même catché que, malgré les pertes, le monde il voulait encore des jeux vidéo en console, tu sais. Fait qu'il s'est pogné des investisseurs, il a racheté tout le hardware, tout l'inventaire qui restait, il a acheté tous les droits, puis il a tout amené ça avec lui. Puis il a starté INTV Corporation. INTV, là, comme une télévision. Et puis fait qu'ils ont continué de liquider là, tout ce qu'il y avait dans des magasins grande surface. Et puis surtout par le mail order. Puis ils ont continué à faire des nouveaux jeux, INTV. Puis c'est ces jeux-là qui sont bons. Puis Thunder Castle est dans cette catégorie-là. C'est considéré comme les late releases de la console, tu sais. Okay. Puis Spiker, le jeu de volleyball de la télévision le plus rare, il vaut à peu près 1000$, 1500$ complet en boîte. Calme. Moi, chez nous, j'ai Stadium mode buggy. J'étais assez fier de ça. Et puis ça vaut genre 300$, tu sais. Okay. Et puis c'est ça. Puis c'est tous des jeux de sport qui valent cher. La lutte, le ski, le hockey... C'est toutes les late releases de sport. Les boîtes sont blanches. Regardez ça. Pole Position, boîte blanche. Thunder Castle, ça vaut de quoi quand même? Là, mais... La seule console où les jeux de sport valent plus cher que les autres. Exact. Les late releases de la télévision, c'est l'exception. Wow. Et puis, INTV faisait ça plus cheap. C'est plus des boîtes qui ouvrent comme un livre. C'est comme des boîtes minces avec comme un manuel imprimé. Pas imprimé, mais comme photocopié. Ouais. Et puis, il n'y a plus d'overlay pour les manettes. Donc, comme le cheap, là, le moins cher possible. Fait que, puis INTV Corporation a releasé un jeu NES qui s'appelle Monster Truck Rally, qui est basé très fortement sur Stadium Mud Buggies, que j'ai mentionné tantôt, qui lui est basé sur Motocross. Donc, c'est comment rester ton code source? Exact, comme c'est le même code, mais il est repimpé, tu sais. Fait que ça, c'est très intéressant. Alors, on peut y aller avec le gameplay, JF. Thunder Castle, c'est comme un jeu de chat et souris, un peu. Toi, t'es un chevalier, tu te sauves. T'as trois niveaux, ça c'est le premier, dans la forêt, puis y a un dragon qui court après. Tu touches une petite chauve-souris, puis là, tu vois, tu clignotes, il y a une musique qui va avec ça. Puis là, tu peux tuer le dragon. T'as trois dragons à tuer comme ça. Ça, c'était le rouge, c'était le troisième. Il y a plein d'items à ramasser aussi que tu peux activer, comme qui te permet de passer à travers les murs, qui gèlent le dragon. Là c'est le deuxième. Hey, cette scène-là, Ça, c'est le deuxième niveau. Là, faut que tu tues des mages. Faut que t'en tues cinq. C'est la petite souris qui te donne ton power pour aller tuer les mages. OK. Et puis, là, je dois le mentionner, la musique là-dedans est incroyable. Ah ouais? Il y a tellement d'ambiance dans ce jeu-là, là. La scène qu'on a vue avec le mage qui te regarde, là, c'est... C'est comme... Si bon. Dramatique. Quand ça commence comme un coup d'éclair, tu sais, le crâne clignote, puis la musique est comme très... C'est vraiment le fun. Aye, et puis quand tu pognes la souris, t'as une autre musique qui embarque, tu ramasses des items. C'est plein de musique apeurante. C'est plein de sons stridents. Et puis, c'est très cool. Seul bug là-dedans, c'est que c'est fucking dur. J'ai jamais réussi à passer le deuxième niveau parce que les mages, là, il y a encore une claque. Puis là, la petite souris, tu vois, t'as 5 à pogner à crise de souris, mais elle va vite, là. Ben oui. Là, de la minute que tu touches à l'item qui fait que tu peux aller tuer les méchants, mais ils sauvent. Rapide, là. Puis c'est pas parce qu'ils sont, mettons, proches de toi qu'ils se mettent à sauver. Quand tu touches la souris, ils veillent de bord tout de suite, peu importe où est-ce qu'ils sont dans l'écran. Fait qu'il faut vraiment que tu attendes qu'ils soient collés sur toi, puis que tu aies la chance d'avoir la souris pour être capable de te revirer de bord et de snatcher, sinon ça finira jamais. Il y a des portes qui ouvrent et qui ferment en même temps. Ouais, tableau. C'est ça. Ouais, ça c'est une difficulté, c'est totalement random. Okay. On pourrait dire procédural. Ouais. C'est procédural, complètement ce jeu-là. J'allais dire épidural. Fait que t'as une couple d'items à ramasser comme ça, puis qui peuvent t'aider, là, vraiment. Là. Okay. Téléporte l'autre bord du mur, gèle les ennemis, ou qui te donne un power pour aller les tuer. Ah, style match à poignée. J'ai jamais réussi. Il y a trois niveaux, je me suis jamais rendu au troisième. Mais sérieux, celui-là, il est vraiment le fun. Il est sur toutes les compiles que j'ai nommées au début du jeu. Et puis, c'est un must sur la console. C'est un jeu que j'avais déjà joué un peu, puis là, comme c'est sur ma table de nuit, sur mon DS. Puis ma blonde, ça y prend du temps avant d'embarquer dans le lit pour qu'on se couche. Ouais. Fait que moi, je me fais une petite game de Thunder Castle, puis là, j'étais vraiment dedans, tu sais. Fait que j'avais envie d'en parler. Être terrorisé avant de te coucher. Ah, ouais, je te jure, mais la face du. Je pense que je vais prendre sa face au machin pour faire un avatar. Tu te réveilles la nuit sur son. C'est les mages! Soit ça ou ta blonde arrive pis t'es en tabarnouche parce que genre les mages se sortent. Ouais. Ça donne. Je suis fâché. Je suis fâché avec ça. Fait que pour toutes ces raisons, je donne un rutilant 8 à Thunder Castle. Je m'en souvenais, ça là. Ouais, c'est le jeu le plus metal à Thunder Castle. C'est vraiment, vraiment bon. C'est un jeu Doom metal. Et maintenant, dans un registre un petit peu plus léger, je vais parler de Fish Dude. Ok, boy. Petite cassette ici que j'ai reçue dans un lot dernièrement que j'ai acheté. Cassette qui vaut quand même une trentaine de dollars. Quand même! C'est pas rien. C'est écrit Soffel dessus. Soffel! Et puis j'ai pas fait mes recherches, mais je sais qu'au NES, mettons, Dragon Fighter, qui est un jeu qui vaut genre 300-400$, qui est excellent, qui est, je pense, développé par Natsumi et publié par Soffel. Donc, Soffel, ça fait peur, mais on dirait qu'on sait jamais qui programme ça en arrière. Il est dans la fiche technique, là, c'est Salio, mais je connais pas ça. Salio et Soffel. Ça a l'air d'un trade dans un film. Salio, même. Salio. C'est un trade dans Roméo et Juliette. Genre. Salio et son frère Soffel. Allez. Puis, dernier boss. Mais ça mériterait une petite recherche, là, Soffel. Si Baroque Soffel est dans le chat, là, s'il pouvait checker vite, là, ça m'aiderait bien gros. Tu sais, moi, au lieu de préparer le show, je demande aux fans. T'outsources toute ta recherche. Attends, moi, y aller, man. Et puis, donc, tu peux mettre le gameplay, Jeff. C'est un jeu aussi de chasse, de chat et souris. Beau gameplay là-dessus. Wow. Ouais, hein, j'ai vraiment trouvé un beau gameplay. Donc, t'es un poisson. Un peu à la Shark à la télévision, justement. Il se fait à la bouche, en tout cas. Tu manges des poissons. En bas, tu as un countdown, il y en a 10 à manger. Donc, quand tu touches au poisson, tu pèses vite pour mâcher sur le bouton. Et puis, tu as un gros poisson qui te court après. OK, c'est pour ça que la bouche, elle se fait aller de même. Exact. Okay. Tu pitonnes pour que ça mange plus vite. Puis là, le gros Chris, il va quand même vite, là. Sérieux? Puis ce qu'il y a de tough dans ce jeu-là, c'est qu'il disparaît à un moment donné. Puis là, tu vois, il revient out of nowhere, là. Il t'apparaît d'en face. Fait que des fois, c'est un petit peu dommage, là, parce que t'as une belle run, puis là, il tombe dessus. Tu peux te rendre jusqu'à la surface et puis jumper dans les airs. Ça, c'est... Tu sais, genre, je prends une pause pour regarder le jeu, puis dire... C'est sûr qu'il n'y a aucun autre podcast qui couvre ce jeu-là, tu sais. Pour ça que je suis là. C'est malade. J'apprécie le moment. OK, j'ai des jeux de Soffel. Les auditeurs l'apprécient. Allez voir la version vidéo. Soffel, c'était une compagnie de IT japonaise puis une firme de business. Ils ont fait Clash Ball en 91. Ah ouais, c'est du caca. Worm Journey to the Center of the blah blah blah. Fish Dude, TKO Super Championship, Flying Hero, Bugero no Daimono. Worm, c'est Asmix, ça. C'est un jeu qui prend de la valeur. Casino Kid 1 et 2. Ah ouais, c'est vrai. Mr. Nuts, puis Monster Maker Kids, puis Monster Maker 3 et Onikusa Katsuya. Mr. Nuts, c'est hot, ça, me semble. Ouais. Mais c'est pas, c'est juste japonais, je pense. Puis, tu sais, ils ont développé des jeux aussi qui ont pas sorti. Casino Kid en fait partie. De Money Game aussi, en 88 sur la NES. Casino Kid 2, ça vaut cher, ça. Très cher, même. C'est un jeu tough à trouver dans ton full set. Take it away. Fait que pour en revenir à Fish Dude, t'as pas tout le temps des vies, t'as 3 vies. Puis quand tu meurs, ben c'est le gros poisson qui te mange. Puis des fois, il y a des bateaux à surface aussi, comme avec un chat dedans, que quand tu t'approches, qu'il te pogne, tu peux pas sauter. Là, tu voyais à l'écran, il y a une pieuvre. Quand tu touches à la pieuvre, je sais pas s'il va le faire, l'écran, il devient tout noir. Toi, tu vois où tu vas, comme mais le méchant, il ne voit pas. Donc, ça, c'est un petit plus, le fun. C'est cool, ça. Et puis, tu as trois vies, dans le fond. Et puis, je pense qu'il y a trois mondes avec trois niveaux chaque. Un coup, tu passes ça, tu as fini le jeu. Bon. Ah ouais. Puis là, ils te disent, ah, si tu veux un challenge, tu peux faire le monde ABC maintenant. C'est comme un repeat. OK. Les trois, même, j'ai même pas vu vraiment une grande différence. Carine. Fait que tu finis ça, puis là, c'est la même fin, mais ça dit pas genre, c'est une arnaque. Plus loin, c'est juste... Ça double la longueur du jeu. Ouais, mais ça va être stressant, là, pour vrai, le poisson qui te court après. Là. Ouais. Non, c'est stressant, sérieux, mais tu peux dasher, tu sais, okay. Avec ta bouche, là, tu dashes un peu pour t'en sortir. Mais quand c'est... tu mâchouilles, j'imagine, t'es statique, tu peux pas bouger. Exact, ouais. C'est ça qui est stressant. Faut... Ouais. Ton mâchouillage, là, faut que tu le choisisses. Ouais. Faut que tu le fasses au bon moment. C'est vraiment intense. Ce qu'il y a... T'sais, le jeu aurait mérité plus de stock. Ouais. Il y a des roches un peu partout, des obstacles. Il aurait pu comme pousser des roches ou je sais pas quoi, cracher de quoi, chier ouais, ça quelque a l'air chose. Assez simple quand même. C'est très, très, très simple. Mais ce qu'il y a de le fun, par exemple, c'est que les passwords ont juste deux lettres. Ah. Fait que là, t'es rendu, ton God password, God. C'est E-G, mettons. C'est merveilleux, ça. Hey, pas de niaisage. Ah ouais. Tu peux l'essayer. Hein, mais là. Le jeu, t'as pas de continu. T'as juste tes trois vies, mais là, tu retournes au title screen, puis là, tu rentres ton password, ah ouais. Puis là, tu recommences c'est que t'étais. Tu sais, je trouve ça un peu colon, là. Tu sais, ouais, même continues ou un là, password. Ouais, le password, ça sert à quand t'arrêtes de jouer, tu sais, ah pas ouais. Genre à le remettre tout le temps. Ça, c'est ça. Il y a du monde qui ne catchait pas ça. C'est pas si ça fait, il est pas bien, non. Ouais. Non, il est fucking. C'est un psychopathe. T'sais, faudrait voir si cette cartouche-là, tu sais, elle a comme... C'est de l'intérieur inférieur, tu sais, genre, c'est pas de mémoire, tu sais, ouais, genre, ouais, ouais, exact. Des circuits cheapo, ah, tu sais, vraiment. Je l'ai au toucher, là, puis à la branler comme ça, là, elle est aussi ouais. Pleine que les autres, c'est sûr, c'est juste qu'ils ont pas tout exploité. Que, quand t'as branle, t'as trouvé pleine comme les autres? Ouais, je la okay. Branle beaucoup, c'est puis bon. Okay. Je la trouve pleine. All right. C'est pour ça. Manquette salace. Okay. Bon. C'est correct, c'est... Puis c'est ça, tu sais, c'est un jeu très... c'est le fun, mais il aurait pu en avoir plus. Manque de quoi. Mais c'est le fun, je trouve que... Quand tu collectionnes un Game Boy loose et complet, mais moi je collectionne plus large, fait que je veux pas tout complet. C'est une curiosité très agréable à avoir dans ta collection. J'ai quand même mis le prix dessus. Ben, je l'ai eu à 20$ finalement, mais j'aime ça, moi, ça. Ça, ça me rend heureux. Puis, tu sais, j'étais déprimé, là. Puis là, je jouais à Fish d'autre. J'ai quand même. Game de Fish d'autre. Sinon, elle est fun. Une petite musique, des petits poissons, tu sais. Donc, c'est bien correct. C'est bien correct comme jeu. Et puis, je donne un beau 7. j'ai pas un instant. Je me rappelais plus si c'était 7 ou 7.5. Un beau 7 sur 10, pareil. 6 aurait été trop bas. T'sais. Le gameplay est bon, c'est un bel enrobage et tout. Mais ça manque de versatilité au niveau de ce que tu fais avec ton petit poisson. Puis le dernier niveau, c'est vraiment une bataille one-on-one contre le gros. Ah ouais? Faut que tu le pognes par en arrière, tu sais, ou dans un angle qui te voit pas. Fait que ça, c'était intéressant. Ah, cool. Ils auraient pu exploiter ça encore plus. Ah ouais. Ils ne l'ont pas fait. Malheureusement. Mais puis chaque niveau aussi, pour finir avec ça, ils sont pas tous pareils. T'sais. Des fois, il y en a, faut que tu dashes en diagonale. C'est beaucoup de diagonales. Il y en a d'autres, c'est des tuyaux. Ouais. Donc ça, c'est bon. Il aurait pu, par exemple, faire des téléportes. Je sais pas quoi, tu rentres une place sur l'autre. Ouais. Ouais. L'univers était à leur portée, mais ils l'ont pas fait. Okay. Alors voilà, bon petit jeu pareil. Good. Ooh. All right, sur ce, Nick. Ouais. Moi, je vais faire la critique d'un jeu qu'on a beaucoup parlé sur le show depuis qu'on a vu les premières images au E3. Donc, Dragon Ball FighterZ. Alors, dis-moi donc le nom, Nick, s'il te plaît. Dragon Ball FighterZ. Voilà. Bravo. Merci, GF. T'as même pas dit mon moment. pochette Popal, je tiens à le non, Popal, non. Merci. Vraie pochette. Classé T pour adolescent. Développé par Arc System Works. Ceux qui savent qui sont Arc System Works, c'est du monde qui a une grosse crédibilité niveau fighting games. Ils ont fait Guilty Gear, Blaze Blue, entre autres. Donc, ils savent exactement ce qu'ils font quand ils font des jeux de combat. Ça a été publié par Bandai Namco Entertainment, puis disponible PS4, Xbox One et PC. Donc, ce jeu-là, en fait, c'est simple. C'est un jeu de combat où tu as trois combattants de chaque côté. Fait que c'est du 3 contre 3. Un petit peu comme un Marvel versus Capcom, dans le fond, la série. Là. C'est vraiment dans le même esprit. Là. Donc, c'est du tag battle. Tu commences par sélectionner tes trois personnages, puis là, tu commences à te battre. Ici, ce qu'on voit, dans le fond, c'est le story mode. Je vais commencer par le story mode. Le story mode est un peu étrange, en fait, par rapport à ce que vous avez déjà vu comme story mode dans un jeu de combat. T'sais, c'est comme si tu as des petits bouts d'histoire, que tu vas aller faire. Puis là, ensuite, tu vas faire un combat. Puis là, ils vont te demander de faire des soumissions. Ça sert aussi de tutoriel. Donc, des soumissions comme quand tu vas faire un deck, là? Un balcon? Ouais, c'est exactement ça, c'est ça. Mais tu vois, dans le fond, là, tu peux aller... ton but, tu commences juste avec Goku, puis t'as Bulma, puis là, il se passe quelque chose au niveau du monde. C'est vraiment l'espèce de fin du monde. Puis là, t'essaies d'aller comme récupérer tous tes amis là, qui sont non disponibles au début. Fait que là, tu vas faire des missions pour aller les débarrer puis agrandir ton équipe, pour pouvoir ultimement avoir plus qu'un fighter là, à ouais, combattre. Ouais. Là, parce que... Et là, ben c'est ça, tu sais, mais c'est un peu bizarre. C'est comme si t'as un map... Un peu comme dans Super Mario Bros. 3, là, puis là, tu te promènes entre les nœuds, puis des fois, tu vas aller faire une mission qui est comme un tutoriel. Ça, j'ai trouvé ça intéressant, parce que, tu sais, ils te montrent à jouer au jeu pendant Story Mode. Ouais. Après ça, des fois, il y a d'autres affaires qui vont juste te donner peut-être des bonus de vie, puis de... Puis à un moment donné, tu vas débarrer des morceaux de l'histoire. Ça fait que, dans le fond, le Story Mode est extrêmement long, tu sais. Moi, j'ai dû mettre 5 heures dedans, puis tu sais, c'est pas fini... T'as trois arches de la même histoire, dans le fond, là, que tu vas pouvoir faire. Dans le fond, ce qu'on apprend, c'est un des nouveaux personnages qu'il y a, c'est Android 21, qui est comme la big boss là-dedans. C'est pas un gros spoiler, là, dans le fond. Elle est là. C'est quelqu'un qui n'était pas vraiment dans la série. Mais vous allez retrouver là, quand même là, du fanservice au niveau de qui est dans le jeu. Bien sûr, t'as Goku, mais t'as comme trois versions de Goku. T'as le Super Saiyan normal aux cheveux blonds, t'as Super Saiyan bleu, qui je pense qui a été introduit dans la série Super, Dragon Ball Super. Puis là, t'as une version rose, genre Evil Goku. C'est un peu... je le connaissais pas non plus. Mais tu as aussi, ben, tu t'as les bons vieux boss, le Cell, Frieza. Tu vas avoir, tu sais... Boo. Gohan, Goku. Tu vas avoir Gotenks au niveau du petit bonhomme fusionné. Tu vas avoir Krillin. Tu vas avoir Trunks, Piccolo, tu sais, des vieux... Mais Krillin, il est là pour faire péter la gueule. Ouais, exact. Il est pas fort. Yamcha est là aussi, tu sais, mais tu dis Yamcha. Dans la série, il est tellement pas un facteur. Il y a du monde un peu plus intéressant aussi, je trouve. Tu sais, comme si vous vous rappelez, en fait, les Ginyu, donc les Ginyu Force, en fait, Captain Ginyu, tu sais, ça, c'est ceux qui font des... C'est les assistants de Fraser qui font des poses ridicules, tu sais. Ouais. Ils amènent tout le temps un comic relief, tu sais, puis... L'histoire est quand même drôle, tu sais, mais le problème, c'est qu'au travers de tout ça, il y a un petit peu de grinding, puis des tu sais, moi, j'aimerais ça avoir ça comme une cinématique que je regarderais. L'histoire, elle est fun, il y a des petits twists, c'est intéressant, honnêtement, mais c'est un peu juste bizarre de choisir de bouger d'entre les nœuds, tu sais. Là, parlons un petit peu du système de combat, c'est probablement ça qui intéresse le plus les gens. Ben, c'est vraiment un jeu qui va faire comme rendre tout le monde extrêmement puissant. T'sais, tu joues à ça, puis les combos sont tellement simples. Tu peux mâcher le light punch ou l'attaque légère, là. Puis tu sais, si tu mâches ça 6 fois consécutifs, t'as vraiment un beau combo que tu vas voir à l'écran. Okay. C'est quand même satisfaisant. T'sais, tout le monde se sent bon. T'sais. T'as quand même des contrôles comme, mettons, des boules de feu, des fameux dragon punch, ce genre de choses-là. Mais les commandes sont pas difficiles. En fait, c'est toutes des motions de boules de feu. Donc, un demi-cercle à l'avant, un demi-cercle à l'arrière. L'exécution dans ce jeu-là, elle est très, très simple. T'as quand même des éléments de profondeur, comme, tu sais, t'as des double jumps, t'as des recovery quand tu tombes. Tu peux faire aussi... tu peux faire des fois une espèce de dash grab, tu sais. Il y a plusieurs moves intéressants que tu peux faire, mais ça reste assez simple. Tout se passe autour de... T'as 4 boutons de combat principal, plus des boutons d'assist, de dash, etc. qui vont suivre. Donc, ce jeu-là a été pensé pour une manette là, de PlayStation ou de Xbox One. Ça joue très, très bien sur la manette, bien que j'ai préféré jouer avec le stick. Mais vous allez pouvoir jouer là, facilement avec la manette. Tu sais, les jeux de combat modernes, là, ils pensent vraiment bien comment optimiser la manette. Puis ça, c'est exactement le cas. Là, c'est vraiment un peu comme un Capcom versus Marvel où tu vas pouvoir appeler tes amis en assist, dans le fond, pour tes moves. Fait que si tu peux faire un super move qui va être boosté par ton ami qui vient t'aider, y a une couple d'affaires le fun comme ça. Tu peux aussi, quand tu changes tes personnages, parce que tu peux changer, tu vas aller récupérer de l'énergie sur le banc. Mais tu peux forcer tes ennemis, tu retournes sur le banc, puis là, tu ramènes quelqu'un aussi. Puis là, ça donne un élément stratégique où le gars peut pas recovery, parce qu'une fois que tu es revenu, ce que tu avais comme énergie, ben, tu vas plus jamais pouvoir le récupérer. Ouais. Puis vraiment bien, c'est un jeu qui est autant facile d'approche qu'il y a de la profondeur. T'sais. Les joueurs professionnels, là, ils vont trouver quelque chose là, dans ce jeu-là, c'est certain. C'est vraiment comme... C'est comme un Guilty Gear pour les casual players, si ça on veut. Plus casual que Blaze Blue. Écoute, c'est tellement... Selon moi, là, c'est le jeu de combat le plus casual que j'ai joué depuis très, très longtemps. Ah ouais. Souvent, ils vont mettre des petits pop-up combos, genre de 3-4 moves que tu vas pouvoir effectuer. Mais ça, là, c'est vraiment un niveau supérieur. Là, tu peux juste littéralement mâcher, t'sais, puis arriver à quelque chose d'intéressant. Surtout contre l'ordinateur. Là, quand tu vas arriver en ligne puis tu mâches, ben, tu vas te faire ouvrir comme tu n'as jamais vu ça. Tu vas t'ennuyer de ta mère parce que tu sais, il y a quand même un élément de technicité là-dedans. T'sais. Faut pas que tu fasses juste n'importe quoi. Là. Faut que tu comprennes ce qui se passe. T'sais, tu vas avoir des éléments. Quand tu vas attaquer, des fois, tu vas avoir un temps où tu es comme une espèce de récupération. Là, l'autre va profiter de cette fenêtre-là, va t'attaquer. Il y a plein d'affaires que tu peux faire, mais c'est vraiment esthétique à regarder. Ah, ouais, ouais. C'est comme... si on regarde un animé. Ouais, c'est comme que t'es le show, en fait. Là. Ah, tout à fait. Ouais. J'ai vraiment l'impression qu'ils ont voulu démocratiser le jeu en faisant ça parce que ça fait beaucoup de Dragon Ball qu'il y a. Puis moi, toutes les fois, j'ai joué. C'est vraiment top parce qu'il y a le 3 sur Wii. Celui à Wii est cher. C'est quand tu voles. Tu sais, jouer dans un univers à 360 puis que tu voles en plus de ça là-dedans, ça marche pas. Tu sais, il y a de quoi qui... Mais ils les font jeux de fighting mais en 3D, c'est tough. Voler dans le jeu, c'est quand c'est tu fais un genre de Kamehameha, mettons, là, il va se mettre à voler pour faire son combo. Okay. Visuellement spectaculaire, mais c'est pas toi qui contrôle. La résultante fait que tu voles, mais c'est pas toi qui voles dans le jeu en tant que tel. Ouais, c'est ça. Quand tu fais un combo comme méga badass, t'as-tu des prompts, t'as-tu des trucs à peser ou... Ben, écoute, c'est sûr que oui, là, ça se fait pas tout seul. Là, tes combos, là, mais tu sais, c'est pas des attaques très compliquées en fait. Là. C'est vraiment, tu vas faire la motion de boule de feu, puis tu vas peser ton bouton là, qui va te faire ton espèce d'ultimate move dans le fond. Okay. T'as aussi un. Tu sais, en bas, là, ce qu'il faut noter, c'est que tu peux charger dans le fond ton énergie jusqu'à 7 niveaux. Puis une des touches intéressantes, quand tu y vas puis tu fais des combos simples avec le Light Punch, tu vas gagner les Dragon Balls. Okay. Puis quand t'en as 7, ben tu peux appeler Shenron, puis il est comme... Il va venir... J'ai pas vu ça, il va venir puis il va te donner genre un vœu. Puis ton vœu, c'est soit genre tu peux récupérer un de tes personnages qui est mort, te donner plus de force. T'sais. Fait que c'est vraiment une twist. Puis c'est très, très rare que ça arrive parce que faudrait que tu fasses juste des simples combos pour accumuler ça, tu sais. Je reste à voir comment les pros vont utiliser ça là, dans le game. Mais tu sais, si toi, tu mâches ton bouton avec ton fils, puis vous jouez, vous allez avoir extrêmement beaucoup de plaisir. T'sais. C'est vraiment un jeu là, ultra approchable, mais en même temps, tellement de profondeur. Vraiment cool. T'sais. T'as joué online à ça? J'ai joué online, je me suis fait ouvrir totalement. Ouais, c'est ça. Parce que je me suis pas procuré Day One. T'sais. Je l'ai eu peut-être 3-4 jours après qu'il soit sorti. Là, man, c'était trop tard. Le bateau était passé. T'sais. Je voulais parler un peu en ligne, justement. En ligne, t'sais, j'ai eu une expérience correcte. Je te dirais que certains matchs, c'était comme un super bon, pas de lag. D'autres matchs, c'était un peu moins plaisant. Bon, écoute, c'est comme n'importe quel jeu de combat dans un sens. La seule affaire que j'ai trouvé un petit peu bizarre, c'est, tu sais, autant c'est cute et le fun au début quand tu commences que ça peut être un petit peu plate. Dans le fond, tout se passe. T'as pas vraiment de menu dans ce jeu-là. T'sais, tu t'en vas dans un univers. T'es dans une zone circulaire. Ouais, j'ai eu une zone. T'sais. Tu vois, d'autres jeux Dark System faisaient ça aussi. Tu t'en allais à l'arcade et tu faisais des affaires. Mais là, tu t'en vas, puis là, tu vas avoir une zone pour jouer ton story mode, une zone pour jouer ton arcade mode, une zone pour faire tes rank games. Tu vas avoir une zone. Ils vont donner des quêtes. Ils vont dire, hey, va faire des combos, va faire des pratiques, etc. Fait que ça, j'ai trouvé ça. C'est cute, c'est le fun. Ils vont te donner beaucoup de crédits, de coins quand tu fais des affaires. Ouais. Tu peux débarrer des skins, des émoticons, etc. Tu peux même en acheter, mais honnêtement, ils te donnent tellement de stock gratuit. Là. Moi, je vois pas vraiment le but de mettre des sous dans ce jeu-là. De toute façon, on parle de 90$ en taxine, on en parlait. C'est vrai que t'es rendu un peu full price. Mais sûrement que ça va descendre. Mais honnêtement, là, pour moi, là, ce jeu-là est un véritable inconditionnel pour les fans de Dragon Balls, les fans de jeux de combat ou n'importe qui a un intérêt à peut-être commencer un jeu de combat, mais qui a jamais essayé. Ça, c'est le meilleur jeu d'introduction. Wow. Donc, tu sais, pour toutes ces raisons, honnêtement, là, la perfection visuelle, t'as l'effet de wow, tu vas avoir des explosions quand tu finis tes personnages. C'est beau, il fait exploser la terre. Comme c'est tellement beau. Puis t'as des espèces de séquences cinématiques qui vont triggerer d'une façon de très, très timée que tu vas voir très rarement. Là. C'est tellement plaisant. Tu sais, ce jeu-là, là, maximum plaisir à jouer, à regarder, tu te sens comme... une espèce de brute totalement skillful. Jusqu'à temps que tu en aies en ligne, pour te faire démolir la face. Mais honnêtement, là, si vous avez une PS4, une Xbox 360, une Xbox One ou un PC, ça vous prend ce jeu-là. Honnêtement, je pense que c'est un incontournable. Wow. Puis, tu sais, vous allez sortir ça avec des chums, là, avec une coupe de bière, vous allez vous tapocher. Puis tout le monde va y trouver un compte. Là. Fait que super jeu. Cool. Pour toutes ces raisons, je donne la note de 5. 9. Ah, yes! Ouais, ouais. J'ai hésité entre 5 et 9, Bruno, mais j'ai été pour 9. Ah, ah c'est très bon pour vrai, là. Ouais. Ouais, toi, avec, t'as fait bon. Un let's play de ouais, ça. Je l'ai pas insulté en streaming par Dom. Ben oui. Sors des tutoriels, je c'est ça, joue, si je pas rien que ça à faire, des places à être, moi. Ce gars-là, qui stream. Moi, je commence, bon, ben, je vais au moins montrer un peu d'histoire au monde, puis là, ouais. 20 minutes. Chapter 1, j'ai joué 30 secondes. Chapter 2, j'ai joué 30 secondes. Je suis comme, il se passe à rien, c'est quoi? Je suis d'accord. Là, à la Dragon Ball, mais c'est parce que tu comprends pas au début qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Il y a des petits bouts de recyclage de Dragon Ball, comme quand t'écoutes l'anime, là, c'est super long, là, mais ça vaut quand même. L'histoire, le story mode, il vaut la peine, mais faites pas ça d'une shot, là, grindez ça sur une période longue de temps. Mais juste le combat, là, waouh. C'est malade, là, tu sais. C'est une perfection, honnêtement, je trouve, d'un jeu d'introduction au jeu de combat, là, ça c'est numéro 1. Fait que j'espère qu'ils vont vendre beaucoup de copies. Je pense qu'ils en ont vendu 2 millions déjà initialement. Là, fait que c'est fou. Là. Si bon. Fait que je pense qu'ils vont avoir une longue vie. Et d'ailleurs, déjà avec le look, dernière note, ce jeu-là a kické Marvel vs. Capcom dans le fond au EVO. Fait qu'il va être présent en compétition l'année prochaine. Fait que ça va être lui qui va être là. C'est bon, ben cool, ça. Pauvre Capcom. Ouais. Ben, ils ont encore Street Fighter qui est là, mais tu sais... Marvel vs. Capcom, calisse! Mais il a déçu ce jeu-là, fait que... C'est vraiment frustrant. Ce jeu-là, moi, je pense qu'on va le voir beaucoup en e-sport. Ouais. Ça va être le fun à checker. Je pense que Jimmy est déjà sur le dossier. Ouais. J'ai comme vu ça passer sur Internet. Ouais, c'est un beau jeu, là. Jimmy Lee. Fait que, on est rendu aux questions... Fait qu'on a un 10 minutes, fait qu'on va se faire les questions du public. Fait que le concept, en fait, on l'avait déjà fait une fois. C'est on répond au plus de questions possible dans le 10 minutes qu'on a. Ouais. Yes. Fait que j'ai les questions. Si t'es là, ok, sinon, ah, parfait. Fait que on va commencer. Je vais partir le timer après la première question. Tommy Amel Grenier qui veut savoir, pensez-vous que Steam va suivre le pas et mettre sur pied un système d'abonnement mensuel ou de streaming comme Netflix? Eh boy, oui. Moi, je suis pas mal. On le souhaite. Moi, je suis sûr que non. Ils le feront pas. Trop d'argent avec vous autres, les caves qui ont des backlogs, qui achètent tout. Mais t'as trop un gap de prix entre des jeux comme Dragon Ball 90$ puis des petits jeux à 10$ que tu peux acheter. Fait que comment tu classes ton abonnement? Tu vas-tu faire des. À 10$ par mois, t'as tel range de jeux à 20$? Moi, je pense que ça va être ça, en fait. Tu vas avoir l'abonnement indie, l'abonnement AAA. Ouais, ben moi, je le vois. L'abonnement AAA, ça. Moi, je pense pas, en fait. Moi, je pense que c'est plus un affaire. C'est pour les millionnaires. C'est probablement plus comme un opt-in, tu sais. Le développeur va dire à un moment donné, mon jeu, tu le mets sur ton service. Ouais. Tu vas avoir des mini restos. Là, l'affaire, c'est que, tu sais, on sait ce qui se passe avec la musique, tu sais. C'est des peanuts, tu sais, que t'as en termes de retour. Fait que là. Est-ce que les gens développeurs PC, parce que PC, c'est là que tu fais ton gros cash. Là. Ouais. Tu sais, honnêtement. Pour vrai, si tu développes sur console et PC, c'est là que tu fais ton gros cash. PC, tu fais plus d'argent parce que bien que Steam se pogne une cote à peu près la même que ce que Xbox One ou Xbox ou Sony ou Nintendo vont se pogner, c'est que t'as pas de licence à payer pour publier sur ce jeu-là. Tu OK. Sais? Fait que c'est comme, waouh, fait que ton retour. Tu sais, sur investissement est plus grand, tu sais. Okay. Mais l'affaire, moi, je pense qu'ils n'auront pas le choix. Le seul truc, c'est que Steam, ils font rien. Depuis longtemps, tu sais. Ouais. Ils ont tellement de cash, puis ils s'assoient là-dessus. Là. Ils sortent deux fois un Steam Box, mais là, on n'est pas toujours sur une manette. Le logiciel Steam a jamais évolué. Non, c'est la même affaire. Moi, je me rappelle, c'est possiblement la version 1.8. Genre, là, c'est vrai. Moi, il est auto, il start automatiquement avec mon ordi, puis ça me fait chier. Je trouve pas comme. C'est vraiment simple. Je vais te le dire, c'est vraiment simple. Ouais. Mais honnêtement, PC comme interface, c'est pas. Ah ouais, ben moi je pense qu'ils devraient le faire, mais ils sont tellement paresseux que je sais pas. Ouais, c'est vrai. La seule affaire qui ont évolué dans les dernières années, c'est le Big Picture Mode, à part ça. Ouais, mais ça c'était comme gros, là, 3 ans. Ben, genre, ça, là, ils ont rien fait avec, tu sais. Puis... Ouais, mais ils vont rien faire tant que les autres ça roule et qu'ils font de l'argent. Ben, eux, ils font, ouais, parce qu'ils font de l'argent. C'est la seule plateforme, je pense. C'est quoi, c'est Gabe, je sais pas trop quoi, qui est responsable de ça. Gabe Newell. Ouais. Mais tu vois, il y en a plusieurs qui montent, là. Good Old Games d'ailleurs, qui commencent. Ouais, pour les vieux jeux. Ouais. Et qui donne King of Fighters 2002. Si vous écoutez le show en direct, là, allez voir à Good Old Games. Qui donne King of Fighters 2002 présentement sur PC. Colin. Prochaine question, Steve Ruskanov, qui veut savoir Capcom sur la bonne voie, point d'interrogation. Il manque quoi pour qu'on lui fasse confiance à nouveau? Et qui est fâché contre Monster Hunter, Steve. ben, tu sais, moi je pense que Capcom. Monster Hunter, c'est un hit, le dernier. Ouais, c'est un hit, mais Steve n'a pas aimé ça. Il m'en a parlé à Retro Nouveau Solo. Okay. Parce que pour démocratiser le jeu, tu sais, lui, ce qu'il me disait, c'est qu'ils ont dumbed down le Monster Hunter. Tu sais, ils l'ont vraiment changé pour amener un meilleur public, un plus grand public, tu sais. Puis Moi, je suis d'accord avec ça personnellement parce que sinon, les jeux survivront pas. Exact. Mais tu sais, moi, je trouve que Capcom a une christie de bonne année parce qu'ils ils reviennent avec des bonnes décisions. Tu sais, il y a plein de bonnes choses qui sont faites, entre autres pour la Switch. Tu sais, ils reviennent graduellement. Tu sais, il y a la décision de faire un nouveau Mega Man aussi qui est arrivé. Ouais, c'est ça, je voulais dire. Ça va être trippant. C'est vraiment trippant. Fait que, tu sais, moi, j'ai l'impression que, justement, Capcom est en train de tranquillement, pas vite, redevenir la compagnie qu'on aimait. Là. Moi, j'y vois, tu sais, puis je pense qu'ils ont fait énormément d'erreurs les dernières années, puis beaucoup d'erreurs commerciales aussi, tu sais. Là, ils s'en aperçoivent. Comme avec Street Fighter, par exemple, tu sais, peu de compagnies vont écouter ta communauté comme ça. Mais là, ils ont chialé. Les gens, tu sais, ils ont modifié la façon dont les Season Pass fonctionnaient. Ouais. Avant, ils cachaient les personnages, c'était des secrets, ce que je trouvais le fun. Mais là, le monde voulait tout avoir à l'avance. Fait qu'ils ont écouté. Fait qu'ils écoutent, tu sais, Mega Man, ça vient d'une écoute de la communauté. Fait qu'on dirait qu'ils se sont réveillés. Ils disaient, hey guys, wake up, on va mourir sinon. Ben, puis aussi, on est assis sur une mine d'or, qu'est-ce qu'on calisse. Exact, ça faisait peu de choses. Fait que moi, j'ai confiance à nouveau. J'ai hâte de voir, là, je pense, les deux prochaines années pour Capcom vont être déterminantes. Ouais. Si c'est pas Rise and Shine, ben je pense que ça va être bien plate pour eux autres. Mais il y a tellement d'offres de jeux aujourd'hui que tu peux pas trop t'asseoir sur tes lauriers passés. Ouais, exactement. C'est vrai. Simon Simard qui veut qu'on parle de la rumeur d'achat de EA par Microsoft. Moi, j'ai vu cette rumeur-là, tu sais, j'y croyais pas tant que ça, mais on sait que Microsoft a une pile de cash ridicule, tu sais. Eux autres, acheté du deux des compagnies à coups de milliards, c'est correct pour eux, c'est du pocket change, là. Ouais. Tu sais, là, qu'est-ce qu'ils pourraient faire, tu sais? Est-ce que c'est intéressant pour eux? Parce que, tu sais, EA, tu vas pas acheter EA puis mettre FIFA exclusif au Xbox. Ça n'a pas de sens. Tu vas te couper ta moitié de tes revenus, puis en Europe, Sony est tellement fort. Fait que, tu sais, je vois difficilement ce qu'ils iraient chercher. Mais je vois ce que, tu sais, comme Microsoft aurait besoin d'aller acheter une compagnie pour les exclusivités. Ouais. Ça, c'est clair. Ils ont parlé d'EA, il y avait d'autres rumeurs. Il y en a qui ont parlé de Steam, il y avait n'importe quoi comme rumeur. Quand ça, c'est parti, là. Fait que, tu sais, mais moi, je ne pense pas que ça va se matérialiser. Peut-être que je me trompe, mais je me dis juste que pour Microsoft, t'es quasiment mieux. Ils l'ont fait avec Mojang, puis ça a été un bon move. Ouais. Mais tu sais, Minecraft, c'était tellement... Tu sais, les autres rumeurs que j'ai entendues qui, selon moi, sont beaucoup plus plausibles, là. PlayerUnknown's Battleground, ils ont une compagnie, là, moi je pense que Microsoft pourrait mettre la main dessus. Pourquoi? Parce que c'est un produit. Ils vont développer d'autres choses aussi. Oui, mais c'est un produit qui est génie, là. C'est un produit qui est en croissance totale. Il n'a pas encore atteint le pic de sa vie. Fait que si tu l'achètes maintenant, tu coupes Sony de la capacité de l'avoir. Puis tu dis, ben là, il va runner PC et Xbox 360. Selon moi, ont une compagnie à acheter, ça va être ça. Mais bon, c'est juste mon opinion. Non, c'est vrai. Puis, ben, EA, ça semble énorme pour une transaction de même. Tu sais, ils ont quand même. Là, on parle de Skate or Die 2, on parle de Henry Hansworth au DS. Road Rash. Mais ils ont tellement de divisions EA que je me dis, tu sais, c'est pas. C'est pas la compagnie la plus évidente. Ouais, c'est ça. Je connais pas leur capitalisation boursière, mais tu sais, ils sont tellement partout. Puis, c'est mobile. Ouais, merci. Coupe de merci de planifier, de spécifier. Moi, je suis là pour supporter. Nasdaq, Wall Street, chiffres. Ouais. Bruno Barrette qui dit Kratos qui ne pourra pas sauter. Est-ce que c'est un fail ou un breaking change qui va propulser la série ailleurs? Que c'est ça, The Last of Us. Il saute pas. C'est tout ce que j'ai à dire. The Last of Us? Parce que dans le sens que, tu sais, c'est pas... Il y a une approche très The Last of Us au nouveau God of War, tu sais. Ouais. Puis moi, je pense que le but ultime du nouveau God of War, c'est d'être cinématique. Puis ça, ils en ont souvent parlé. Ils en ont vraiment, vraiment, vraiment souvent parlé. Fait que j'ai vraiment l'impression là, que la nouvelle approche avec la caméra au-dessus de l'épaule puis tout ça, que tu vois ton personnage de près puis tout ça, tu sais, le faire sauter, c'est parce que... Il y a tellement de choses qui ont changé à propos de Kratos, à la façon qu'il joue. Tu sais, t'as même plus tes Blades of Olympus. T'as une hache, en fait. Tu sais. Mm-hmm. Fait que ça change le gameplay. Tu sais. T'as ton kid qui est avec toi. L'arc va être important aussi. Fait que. Non, ils ont changé tellement d'affaires sur God of War que je pense que. Je pense pas que c'est grave de pas sauter non plus parce que dans certains jeux, tu sais, c'est une décision de design qui amène un autre niveau de difficulté. Puis non, moi, je me dis, si on a pris la décision, tu sais, puis Corey Balrog est quand même assez solide comme designer de jeu jusqu'à date, là, fait que je fais confiance. Moi, moi, j'ai pas d'opinion. Honnêtement, j'ai présentement pas de désir de jouer au nouveau God of War. Je sais pas pourquoi, il vient pas me chercher, tu sais. je le regarde, je trouve ça joli, mais ouais. Tu sais, j'investirais ailleurs mon temps de gaming, tu sais, fait que... Moi, y a pas de jeu plus métal que ça dans le monde du jeu vidéo. Fait que ouais, mais l'ancien, tu sais, ça... mais là... Non, le nouveau, man! Ah ouais? Hey, c'est... Ah ouais. Non, ah, c'est peut-être à cause que je m'y intéresse plus, mais... Ouais, peut-être. Non, il est vraiment... C'est dark, c'est badass, puis justement, avoir de quoi de plus cinématique avec... Avec Kratos, moi ça me tente. Là, mais moi, troisième. Moi ça m'avait gossé que Joel il pouvait pas sauter dans la Last of Us. Come on! Hey, ton body, il peut le faire. Là, Nathan, il jump. Ouais. On a Max Sauvé qui veut savoir si on va parler du grand retour de Battlezone 2 Combat Commander sorti en 2000 et remasterisé qui sort le 1er mars. Dumb! J'ai mis un gameplay pour savoir c'était quoi exactement, et puis ça marche pas, ça a l'air. Fait que, j'ai chié de quoi. Qu'est-ce qui se passe là? Ça a pas marché, c'est quoi? Bon, ben le gameplay marche pas, fait que je suis désolé. Bon, finalement, on n'en parlera pas. Mais oui, on peut-être en parler éventuellement. On va checker ça offline. Colin, j'avais tout préparé mon gameplay en plus. Ouais, pour... Dom avait un gros dossier, c'était tout sur ouais, l'écran. J'avais qu'il avait fait des interviews. Je passais la fin de semaine à courir les routes en autobus pour interviewer des gens clés. Et brûlés. Ben, il en reste deux questions. Désolé hein, pour la question. On va reviser nos extraits vidéo pour on vous reviendra là-dessus. Faut faire nos devoirs un peu, je pense. Les deux questions qui viennent de Pat Matterwin, veut savoir les manettes third party, est-ce qu'on aime ça ou on aime mieux le modèle original? Ou il n'y a rien de mieux que le modèle original? Rien de mieux que le modèle original. Ouais, voilà. Tout le temps. Je suis d'accord. C'est de la marque. Mais dans le temps de Mad Catz, il y avait quand même des affaires intéressantes qui se faisaient. Moi, je me souviens de la première Xbox, il y avait eu une manette plus petite que moi j'aimais vraiment beaucoup parce que la manette était trop grosse. Même affaire avec PlayStation, il y avait des manettes alternatives quand t'avais pas une scène. Tu pouvais t'acheter de quoi. Ouais. Tu sais, mais sinon maintenant on dirait que même les first party licences, les third party, je sais pas si c'est quelque chose qui se dit, mais tu sais. T'as maintenant, mettons par exemple, PlayStation va licencer officiellement Ori. Exact. Ori c'est va ça. Faire des ouais, ben Ori ont l'air d'avoir le contrat pour tout le monde. Là, Ori font des certains bons produits. Ouais. Mais le truc, c'est genre, ils vont faire des bons produits pour des manettes alternatives. Ouais. Si tu vas avoir ta manette classique pour jouer, ben tu y vas avec un first party. Il n'y a pas de chance. Là. Ton 15$ que tu vas sauver, tu vas le regretter pas mal toute ta vie de gaming avec ça. Ça va péter. Mais tu sais, moi pour une deuxième manette. Juste le feeling des boutons, ça fait le plastique, tu sais. Ouais. Mais moi, c'est ça. Pour une deuxième manette, j'utilise la filaire de Ori pour la Switch. Puis je suis entièrement satisfait parce que pour moi, dans ma vie de gamer, même toute ma vie, ça a tout été de même. Quand t'es le deuxième joueur, t'as la manette de merde. T'as la manette qui a des dents dedans. T'as Luigi. Ouais. La manette de boîte. Puis A fonctionne mal. Puis. Ah non, c'est fait de même, je pense. La dernière question pour la dernière minute s'adresse à Dom, en fait. Oui. Toujours Pat Matterwin qui veut savoir si Dom a toujours sa petite peau. Ben oui. Hey, je sais pas pourquoi il parlait de ça. On essayait de se souvenir si j'avais déjà mentionné mon prépuce. Non, on parle bien de prépuce. Ben, je pense que oui. Là. Bon, c'est ça. Parce que j'ai pas des petites peaux un peu partout. Je pense que c'est ça qui tombe. Non, il parle vraiment de la petite peau. Ouais, oui. Et puis, pour ceux que ça intéresse, mes enfants aussi. Je crois pas vraiment à ça, moi, le enlever des morceaux sur des êtres vivants. Et puis, il y a un chien qui, j'ai oublié la sorte, mais qui, par défaut, il faut y couper la queue. Je parle de sa queue, là. Ouais, la queue de chien. Pour que ça fasse beau, parce que le monde sont dit, les chiens de cette race-là. Ouais, c'est plus beau quand tu coupes la queue. Chris, moi, là... C'est comme l'humain est fait d'une certaine façon. Là. C'est parce que ces morceaux-là sont obligatoires. Peut-être il y a genre 2000 ans, l'humain était fait autrement, était plus crochu, il avait des mains plus fortes. Je sais pas, c'est parce qu'à cette époque-là, c'était le même. Puis peut-être qu'à un moment donné, on n'aura plus de prépuce, je sais pas. Mais là, on en a. C'est vrai que ça sert à protéger. Servons-en nous. Ouais, mais tu sais. Je suis très curieux de. Question genre... info santé, là. Ouais. Moi, j'ai un ami que son gars s'est fait couper la peau du prépuce parce qu'il était pris, il était pogné, puis il allait avoir des infections à cause de ça. Je dis qu'il faut. Je pense que c'est plus dans. C'est de l'entretien. C'est comme un char. Ouais, mais ça dépend, crime. Quand t'as un an, là, c'est plus de l'entretien. Là, des fois, t'as une malformation. Moi, quand mes t'es deux né. Enfants, je leur leur recule le prépuce, puis je les nettoie. Puis là, ils sont rendus assez grands pour le faire. Je les surveille. Recule ta peau comme il faut. Très important. Recule ta petite peau. Mets du savon. T'sais, c'est en tant que parent, faut que tu fasses ça si tu veux pas que les prépuces deviennent dangereux. Ouais. Alors voilà, c'était Chronique Santé avec Papa Cassette. Wow. Les fameux dangers du prépuce. C'est les dangers, pas ça, les dangers du prépuce. On en parle non, mais il y en a que ça les écœure. Faut pas que tu sois Chris, c'est ton enfant. T'sais, faut que tu checkes les morceaux. Oui, on ne pas que ça t'écœure. Son hygiène soit faite convenablement. Et le prépuce va être. Puis j'ai entendu d'autres choses aussi. Tu sais, la couronne du gland, là. Ouais. Quand t'as pas de prépuce, elle est exposée constamment. Ben oui. Fait que tu perds de la sensibilité. Ouais. Voilà. Fait que moi, j'ai pas, je sais pas, je peux pas valider, mais moi, j'ai une belle sensibilité. Ouais. Mais je sais pas les autres. On l'apprécie, ça, d'homme de toi. Ça, ça, t'as des belles qualités. Ça fait, t'es plus jovial grâce à ça. Moi, là. Je suis assez heureux avec mon prépuce et ma couronne, là. Ah ouais. Ah. T'as pas une capuchon avec la corne, tu sais. Non. Hey guys, toute cette belle discussion me rappelle que c'était comme la Saint-Valentin demain, mais on a oublié de faire un segment spécial. Ah, c'est dans deux heures. Non. C'est pas de temps. Hey, oui, on va faire maudit.